vous êtes assez fou. Pour l'écouter. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Le plan d'aujourd'hui, assemblage Ricky. Martin Huitzmann déversera ses connaissances sportives dans Sport Effiloché. Et Dominique Mavougou lui défilera l'actualité africaine dans Voix d'Afrique. Assemblage Ricky commence tout de suite. Assemblage Ricky pour toi, aujourd'hui. Assemblage Ricky pour toi, aujourd'hui. Bonjour, bienvenue à Assemblage Ricky. En ce lundi 10 octobre 2017, on est à 199 jours de la fin de l'année scolaire. Oui, on vient de descendre en bas des 200. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin, on est en direct des studios Tifou à Trois-Rivières, le seul, l'unique, en Mauricie. Eh oui. Et une chance voilà. Qu'elle n'a pas d'autre de studio Tifou. Non, une chance, parce qu'on serait un petit peu perdu. C'est ça, on ne saurait pas où on s'en va. Non. Tania, on a passé une fin de semaine à avoir des pannes de courant, beaucoup de pluie. Tifou n'a pas diffusé pendant plusieurs heures, même demi-journée complète. C'est comme ça quand on dépend un petit peu de mère nature. Et hein? Voilà, et on n'a pas de génératrice. Hein? Non, exact. Mais nous voilà de retour. On est là pour 3 heures, bien sûr, jusqu'à 10 heures aujourd'hui, pour redémarrer ça, cette station-là. Il y a eu des émissions hier aussi, quand même, mais en fin de semaine, il n'y avait pas grand-chose. Bref, aujourd'hui à l'émission, on va avoir Marc-Olivier Dumas à 8 heures pour sa chronique sport et filoché. Donc, on va parler de sports universitaires, locaux, régionaux. Donc, ça, c'est à 8 heures. À 8h30, Dominique Mavungu et le tour de l'actualité africaine, que ce soit justement en sport, en culture, Instagram. Mm-hmm. Peu importe, on en parle avec lui à 8h30. Ta chronique s'en vient plus tard. Tania is gonna entertain you. Sur quoi est-ce que tu travailles? Je vais discuter un petit peu de fausses nouvelles ce matin, vous allez voir. Et un petit peu, vraiment légèrement. Vous allez peut-être comprendre le fil en fait directeur de tout ça, mais on va aussi parler un petit peu d'intelligence artificielle. Oh, intéressant. Tania is gonna entertain you plus tard dans l'émission et on a plein d'autres choses pour vous, bien sûr, mais commençons en musique avec Rudy Bernard. Ah, ce cher Rudy Bernard. Oui, le voici. Ou cette chère Rudy Bernard. Je crois que c'est un gars, je suis pas mal ça. Voici Valérie Song, Assemblage Ricky, sur ses... Dorothée qui claque ses souliers de rubis. Des préfixes fixes ou fixatifs, aucune idée fixe que des cheveux excessifs. C'est mystiqueux, suggestif, l'air introspectif, réflexe subversif. C'est pas fictif, esthétique, magnifique. Dans le miroir magique, un charme énigmatique, des mimiques excentriques. Réfléchis. Et de libertinage dans la nuit sauvage, angélique. Le classique, caprice psychédélique, des éclats sardoniques, kaléidoscopiques. Enchanté, bariolage, grimage ou maquillage, la fête des mirages, des masques sans visage. Fantomatique. Projette-moi, miroite-moi, aime-moi, s'il te plaît, fais-moi croire, admire et emmène-moi loin d'ici. Vanity Song de Rudy Bernard sur les ondes de C'est fou 89 FM ce matin. Faut que ça sorte de la gorge, ça, Rudy Bernard. T'as comme pas le choix, je pense. Faut que t'ailles le chercher bien, bien profond. Totalement, je pense. C'est ça, exact. Les langues que je connais pas sont nombreuses. Je vais t'en faire une liste dans son foutu palmarès. D'accord. C'est la chronique dans laquelle on établit une liste sur un sujet plus ou moins précis, bien sûr. Et aujourd'hui, comme on est mardi, mais c'est un début de semaine pour nous. Il n'y avait pas d'émission, évidemment. C'était une reprise de notre édition week-end hier. Vous avez sûrement remarqué, hein? Oui. Donc aujourd'hui, on parle de café. Encore. D'accord. Encore un sujet que je privilégie, je pense. Oui, mais ça fait partie... c'est une partie intégrante de nos vies. Voilà, voilà. Donc, à la fin du mois de septembre, c'était la journée nationale du café. Tu savais ça? Donc, on s'est sorti quelques trucs comme ça à travers les articles sur Internet, donc on va s'en train d'en parler. Commençons par le fait que le café, à l'origine, était mâché. Arc. Ouais, je pense qu'on préfère boire le café. Oui, c'est ça. Habituellement. Mais ça n'a pas toujours été liquide. Selon plusieurs historiens, les premières tribus africaines à consommer du café le faisaient en donc frottant les grains, ben pas les grains, les petits fruits, hein, ensemble, ajoutant des gras d'animaux. Oui. Et puis, on roulait ça pour faire des boules d'énergie mangeables. Ah, ben tu vois, ça existe encore, par contre, les boules énergiques au café. Oui, ben oui. C'est inspiré de ça. C'est peut-être ça. Ben voilà. Ensuite, boire du décaféiné. Oui. Ça m'arrive. Ouais, t'en bois? Ça m'arrive. Ouais. Je dirais que ça m'arrive de plus en plus. Ouais, ben ça aide l'industrie de la boisson gazeuse. Ah ouais? Ouais, parce que une fois que les grains de café sont décaféinés, plusieurs compagnies de café vont vendre la caféine à des compagnies pharmaceutiques et de boissons gazeuses. Donc, on les jette pas. Hein. Ah, bon, hein? Tu vois. Le café instantané existe depuis presque 250 ans. Ouh. Oui, il a fait sa première apparition en Angleterre en 1771. Ça a pris 139 ans après ça pour que le premier café instantané produit en masse là, soit introduit et breveté aux États-Unis en 1910. L'Américain moyen dépense combien en café par année, tu crois? C'est une question piège. Oui, le Nord-Américain moyen dépense combien en café par année? Beaucoup trop. Beaucoup trop. Plus de 1000 $. C'est ça, je disais. Oui, donc 1092 $ en café chaque année, ce serait donc une nation et un continent assez caféiné. Ensuite, la Finlande est la capitale mondiale du café. Hein, la Finlande ne produit pas de grains elle-même et ses citoyens boivent beaucoup de ce liquide brun. C'est le pays le plus caféiné au monde. Beethoven était le pire cauchemar de barista. Ah, bon. Beethoven aimait boire son café, mais il était très, très particulier sur sa préparation. Il insistait à ce que chaque tasse qu'il consommait soit faite avec exactement 60 grains de café. OK. 60 grains, c'est... 60 grains. La saveur parfaite. Ben, tu sais, peut-être qu'il y a des baristas aujourd'hui qui réutilisent... Je vais te parler de Beethoven. Tout ça. Oui, c'est ça. Ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver. Les grains de café ont envoyé les athlètes brésiliens aux Olympiques. Oh. En 1932, le Brésil ne pouvait pas se permettre d'envoyer ses athlètes aux Olympiques à Los Angeles, donc ils ont chargé leur bateau de café et ils ont vendu leur café sur le chemin en se rendant jusqu'aux Olympiques. C'est fou. Ah ouais? On a essayé plusieurs fois de bannir ce breuvage. On parle récemment même du 18e siècle. Les gouvernements essayaient d'éliminer le café complètement. Parmi les raisons était la tendance du café à stimuler la pensée radicale. En 1746, la Suède a amené les choses à l'extrême. Ils ont banni le café et tout ce qui avait rapport avec le café, que ce soit les soucoupes, les tasses, les petites cuillères à café, j'imagine. Mm-hmm. Je sais pas. Les femmes au 17e siècle pensaient que ça transformait leur homme en zombie. Le café? Le café. Ben oui, tout à fait. En 1674, Women's Petition Against Coffee disait que le breuvage transformait les Britanniques en useless corpses, donc en zombies inutiles. Ils ont proposé de bannir ça pour tout le monde en bas de l'âge de 60 ans. Ensuite, boire du café pourrait pourrait rendre la vie plus longue chez votre chat. OK. On dit que le record Guinness pour le plus vieux chat à vie est un chat de 38 ans nommé Krimpoff. Crime-pof. Crime-pof. Tu vois, quand j'étais jeune, je disais ça au lieu de sacré. Crime-pof. Il boit du café chaque matin de sa jolie petite vie, en plus de manger du bacon, des œufs et du brocoli. Ah? Le chat que Crime-pof a battu pour avoir le record, qui était un autre chat de 34 ans, lui, il s'appelait Grandpa Rex Allen, avait le même propriétaire et avait exactement la même diète. Donc, on dirait il y a quelque chose derrière ça, là. Du café, de bacon, œufs et brocoli, c'est la recette pour vivre longtemps. Ben, c'est dégueulasse un petit peu aussi. Mais non! Ensuite, le café le plus cher au monde vient du caca d'animaux. Tu savais ça? Ça, c'est un des plus connus. Oui, c'est ça. C'est pas la première fois que j'entends parler de ça. C'est le Kopilovac, donc le café le plus cher au monde, qui est donc cher, étant donné sa production, c'est-à-dire la digestion. Ça se passe en Indonésie, un animal sauvage connu sous le nom de Asian Palm Civet. Donc, ça ressemble un petit peu comme un rongeur, similaire à un écureuil ou quelque chose comme ça. Donc, il peut pas résister aux baies rouges du café. Hein? Et il est pas capable de digérer ça. Donc, les petits fruits passent à travers son système sans être complètement digérés. À ce point-là, il y a des fermiers de café très braves qui vont ramasser ces fruits-là dans les crottes, les lavent ensuite et vendent ça pour plus de 600 $ par livre. Ouh là, d'accord. Est-ce que tu savais que la première webcam surveillait une cafetière? Ah, pour vrai? Non, je savais pas ça. Je te jure. Donc, c'était pas super excitant à regarder, mais c'était à Cambridge. On utilisait ça pour surveiller le café dans la pièce qui s'appelait Trojan Room, sans avoir à quitter le bureau. Hein? Donc, évidemment, après qu'on ait terminé la portion webcam de cette expérience-là, la cafetière elle-même, qui était une Krups Pro Aroma qui ne fonctionnait pas, normalement, elle se vendait pour plus de 50 $, a été mise en enchère sur eBay. Elle s'est vendue pour un petit peu moins de 5000 $, la cafetière qui avait été utilisée pour cette webcam-là. Ensuite, ça prendrait 70 tasses de café pour tuer une personne de 150 livres. Il est là! Ouais, trop de quelque chose, ça peut être une mauvaise chose, évidemment, même si on boit du café. Une vidéo de ASAP Science nous détermine en fait que ça prendrait 70 tasses de café pour tuer environ une personne de 150 livres. Mm-hmm. Donc, allez voir la vidéo sur assemblagerequis.com. Il y a un Starbucks au quartier généraux de la CIA. OK. Ouais, certains officiers de la Central Intelligence Agency appellent ça le Starbucks furtif. Les employés à Langley, en Virginie, ne sont pas les employés habituels de Starbucks. On a parlé de ça, je me rappelle, dans une précédente chronique plus en détail, mais quand même, ils doivent passer une vérification de leur historique assez sévère. Ils peuvent pas quitter leur poste sans avoir une escorte de la CIA, mais ils ont pas à crier le nom des gens ou les épeler incorrectement. En effet. Et le café pourrait faire fonctionner ta voiture pendant un bout de temps. Dans quelques années. Okay. Les chercheurs ont eu du succès à convertir le café en biodiesel et on dit que les grains même moulus et même usagés peuvent fonctionner apparemment pour faire du biodiesel. Non, je savais pas ça. On reste dans le domaine. Je me rappelle avoir déjà fait une liste sur Starbucks dans les dernières semaines. On continue à même lancer avec des choses en fait que les baristas chez Starbucks n'aiment pas. Okay. Hein? Et une chose qu'ils aiment apparemment. Bon. Donc tout le monde connaît un client fatigant chez Starbucks, ça arrive. Tout le temps. Ça va rendre le barista fou. Et selon Reddit, donc il y a quelqu'un de chez Starbucks qui a partagé ses opinions honnêtes. Pour commencer, dans les choses que les employés de Starbucks n'aiment pas, dire qu'il y a trop de glace dans ta boisson sans demander une portion de glace légère. Ah, il faut que tu le demandes. Que tu demandes moins de glace si tu veux avoir moins de glace. Ah ben tu vois, je ne savais pas. Ben c'est ça, donc tu dis qu'il y a trop de glace dans ta boisson, ben c'est le standard de la glace. OK. Ensuite, demander des extras dans un verre séparé. Donc, il y a des verres comme les frappuccinos qui peuvent avoir des restants dans le blender, donc dans le malaxeur. Ils te font ton café, il y a un restant. Mais ton barista, ça va le déranger quand tu vas demander « Hey, je pourrais-tu avoir le fond du blender dans un autre verre? » Pourquoi? Il aime pas ça. Il dit « Lorsque les gens demandent un extra dans un verre séparé, souvent je les ignore complètement et je leur donne simplement leur verre et ils s'en vont. Bon. » La plupart des gens chialent pas. Ah, c'est parce que je le paye. Ben ouais, c'est ça, exact. Ils en ont peut-être fait un petit peu trop, mais en même temps, ils se disent « bon... » C'est pas mon problème. Ils veulent pas travailler plus que ça. Exact. Ensuite, quand vous demandez plus de glace ou plus de lait, ça les dérange aussi. Un barista a expliqué sa frustration avec un client en particulier qui demandait toujours un « Ice Tall Non-Fat Caramel Macchiato ». Donc, macchiato caramel sans gras, grand et glacé, avec glace additionnelle et plus de lait aussi. Et le barista lui disait toujours que c'était essentiellement impossible. J'imagine que ça ne doit pas rentrer dans le verre. Ensuite, de commander un cappuccino sans mousse. La mousse est en fait ce qui fait qu'un cappuccino est un cappuccino. OK. Hein? Donc, les gens demandent quand même leur cappuccino chez Starbucks sans mousse. T'as vu passer sur la page Spotted Service de... Je crois que c'était sur cette page-là, sur Facebook, où quelqu'un a montré son verre de café Vanout. Et il le penchait sur le côté et disait « Genre, ils m'ont donné de la mousse dans mon cappuccino. » Ben là... Mais c'est parce que la mousse, ouais, c'est comme l'ingrédient principal du cappuccino. Du cappuccino. T'es pas chez Tim Hortons? Non, exactement. Hein? Bref. Bon. Eh boy. Ensuite, on continue dans la liste des choses qui dérangent les gens chez Starbucks, mais éventuellement dans d'autres cafés aussi, j'imagine. Donc, si vous versez votre café chaud dans une poubelle... Mm-hmm. On dit que vous devriez demander d'avoir de la place, de laisser un vide dans votre café à la place de verser le trop plein de café, okay, dans la poubelle. C'est assez chaud et ça peut faire fondre le sac de plastique. Oh, je savais pas. Mm-hmm. Ensuite, quand vous commandez de l'espresso sur glace et que vous remplissez votre verre avec du lait du bar, à la place de demander directement le lait, oui, dans la boisson. Les baristas ont un nom pour ça, c'est le hobo latte. Le latte des sans-abri, si on veut. Ben oui. Donc, les baristas comprennent ça quand vous commandez un espresso glacé dans un grand, grand, grand verre et que vous remplissez le reste de votre verre avec du lait gratuit. Et demandez un latte à la place parce que, de toute façon, c'est ce que vous lui faites, c'est ce que vous faites à la main, un latte. Oh, oui, c'est ça. Quand on y pense. Ensuite, commandez une troisième pompe de sirop. Ah oui, ouais. Peux-tu m'en mettre plus? S'il te plaît, un autre petit peu. Bref, les demi-pompes de sirop, c'est correct, mais si tu veux être plus précis que ça, il y en avoir plus que ça. En fait, les chances sont très bonnes qu'ils vont arrondir vers le haut ou vers le bas. Ah. Ils vont pas te faire des 3,5 pompes. Et le frappé, quand vous appelez ça un frappé au lieu d'appeler ça un frappuccino, apparemment, oui, qu'ils aiment pas ça. Ah, bon, ils d'accord. Trouvent ça laid. Je sais pas trop quoi. Donc voilà, c'était la liste des choses que les gens chez Starbucks, les baristas, n'aiment pas. Une chose qu'ils aiment, par contre, c'est quand vous restez toute la journée. En fait, ouais? Starbucks... Ah ben oui, parce que tu consommes plus. J'imagine, ouais. C'était fondé sur l'idée d'être le troisième endroit dans ta vie entre le travail et la maison. Et les employés aiment bien ça. Donc, si c'est quelqu'un qui passe ta journée au complet chez Starbucks après avoir commandé un verre au moins et que tu restes là pendant plusieurs heures pour étudier, tu devrais pas avoir l'impression d'ambitionner. La réponse d'un barista à la question d'un des clients était « Tout va bien, t'as juste à nettoyer au moins tes affaires quand tu t'en vas, jeter tes trucs et dans le fond, on va pas mal t'aimer après ça. » Ben, c'est un peu comme ici à Trois-Rivières si tu vas au Café Montréal. J'imagine. Tu peux aussi avoir une carte dorée où tu vas pouvoir avoir des remplissages gratuits. Oui, cette fameuse carte. Chez Starbucks. Tu connaissais pas cette carte, non, fidélité? Pas. Absolument pas. Chez Starbucks. Ah oui. Hey, je suis impressionné. Ah boy. Ensuite, justement, continuons. Et là, je sais que j'ambitionne sur le sujet, mais ça me tente encore une fois de continuer sur le sujet de Starbucks et du café. Ben, c'est correct. Parce qu'on est en début de semaine comme ça, en ce mardi matin. Donc, des faits sur Starbucks qui viennent d'un employé là-bas. Donc, un ancien employé qui a travaillé là pendant environ 3 ans, qui a donné tous les détails au site popsugar.com. Commençons par... tu peux demander d'avoir moins de glace dans ta boisson glacée pour en avoir plus pour ton argent. Bon, comme on disait tout à l'heure, ben, ouais. Tantôt, c'est un peu le contraire. Tantôt, on demandait d'avoir un moyen café dans un grand verre pour pouvoir rajouter du lait pour faire un latte. Oui, c'est vrai. Ça triche un petit peu, alors que moins de glace, dans le fond, tu demandes moins. Fait que c'est moins grave. J'imagine ça fait du sens. Que de voler ça. Du lait, quand même. Encore une fois, tiens, pour économiser, là, ça va vraiment un petit peu venir contredire ce qu'on a dit dans la précédente liste, mais pour économiser de l'argent sur les boissons chaudes, on pourrait le commander dans un plus grand verre. Donc, on peut commander un grand latte dans un verre venti, et dans le fond, on va recevoir un petit peu moins de boissons. En fait, on va probablement recevoir un petit peu plus de boissons parce que les baristas sont un petit peu, des fois, paresseux. Ils vont faire beaucoup plus de lait à la vapeur. Ils vont remplir le lait, le verre, un petit peu plus que le format que vous demandez. Dans le fond, si vous demandez un grand dans un venti, ils vont vous faire probablement entre un trois quarts entre le grand et le venti. Bref. Ensuite, ce qui rend vraiment les baristas très très fous, c'est est-ce que je peux l'avoir froid après avoir déjà commandé une boisson chaude? Ah ouais. C'est pas super pratique une fois que t'as déjà commencé à faire. Non, mais t'as le prendre froid finalement? Non. Les baristas, en fait, ne se font pas demander par la direction de sous-remplir leur latte. Starbucks a eu une poursuite il y a quelques années par rapport au fait qu'ils remplissaient pas assez leur verre de latte. C'est vrai. Les baristas nous assurent que c'est pas une politique, c'est pas fait pour économiser de l'argent à la compagnie du tout. Si votre drink, votre boisson est moins qu'impressionnante, le problème est probablement vous. Ils disent qu'ils remplissent toujours les verres jusqu'au rebord, à moins qu'on nous demande le contraire. Mm-hmm. Mais la vérité est que la plupart du temps, si votre boisson est vraiment pas faite correctement, c'est que t'as probablement été pas correct avec le barista, ou encore qu'il t'aime pas. Donc c'est à cause de toi qu'ils ont pas rempli assez le verre. Je comprends. Tu comprends? Ensuite, toujours chez Starbucks, les employés reçoivent de très bons avantages sociaux. Si t'es à temps plein, que t'es, en fait, tu vas être assuré pour les dents et pour la santé en général. On dit qu'il faut que tu... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas mal ça. Ensuite, si t'aimes le café, c'est une bonne chose de travailler là-bas, nous dit-on. T'as pas besoin d'être une personne matinale, en fait. On dit que le café, faire du café, en fait, c'est très relaxant, surtout à 4h du matin. Ben oui, l'odeur et tout ça. Et t'as aussi droit à des boissons illimitées gratuitement quand tu travailles là-bas, apparemment. D'accord. Ben, tu peux commander sur le menu secret, mais c'est découragé. On dit bon que Starbucks a un menu secret, il y en a qui le savent, moi je ne savais pas en tant que tel. Moi non plus. On dit par contre que la plupart du temps, les gérants ne veulent pas qu'on les fasse parce qu'en fait, c'est pas techniquement sur le menu, c'est ce qu'ils disent. Il y en a que ça les dérange pas du tout de le faire, mais il y en a qui disent qu'ils veulent pas le faire parce que c'est pas sur le menu. Donc on peut commander son frappuccino dans certains Starbucks et d'autres places pas. Oh. Et Starbucks donne vraiment à des œuvres de bienfaisance la nourriture qu'ils ne vendent pas. Ah, OK. Donc, les pâtisseries à la fin de la journée qui sont pas vendues, Starbucks a annoncé qu'il prévoyait de donner 100% de ces restants-là pour nourrir les personnes affamées dans le besoin. Et un ancien employé, donc celui qui a été interviewé par PopSugar.com, confirme que c'est ce qu'ils font depuis très longtemps. Plusieurs personnes pensent que c'est faux, mais en fin du compte, c'est vrai. Demandez-le à votre Starbucks local, dit-il. Voilà pour la liste. En fait, trois listes pas mal sur le café aujourd'hui. On a parlé de faits de café en général et les choses qui sont détestées ou aimées chez Starbucks. Puis ensuite, des faits en général. Allez voir sur assemblagerequis.com pour les notes de l'émission. Ça nous amène à notre prochain poteau de l'émission, la prochaine demi-heure. Donc, écoutons une pièce de Daniel Romano qui était numéro 1 il y a quelques semaines et qui nous a quittés depuis. Donc, c'est la pièce Roya tout de suite à Assemblage Requis. Search the holy vessel for your chamber. How I opened up to any given stranger, just to find you standing in some astral plane where there are no shadows. Royal, I am only but the memory of my body. I was searching all directions when you caught me, laying breathless as I tried to scream your name anywhere the wind would blow. Royal, my guardian of the soul, and the empty days of old, I think they're over. For I smell blossoming inside you till it lay right on your tongue, to never tell no one, but you told me, I can hear it singing now. Royal, my guardian of the soul, from Daniel Romano et la pièce Roya, Assemblage Requis. Au retour de la pause, on va partager nos coups de cœur, Daniel et moi. On en a beaucoup. Pas mal. En tout cas, moi, j'en ai beaucoup pour vous ce matin. Ah, moi aussi, sûrement. On verra. Au retour. Aujourd'hui. C'est fou, 89.1 FM. 89.1 FM. Bonjour à Assemblage Requis en ce mardi 10 octobre 2017. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Ah oui. Et maintenant, c'est le moment de partager nos coups de cœur, toi et moi, dans le segment qu'on appelle « Tu manges à mon cœur ». Mon cœur, oui, les coups de cœur des co-animateurs d'Assemblage Requis qui sont en train de se shaker le booty ce matin. Je sais pas qu'est-ce qui se passe sur le terrain de la station de radio, mais ça shake partout. Il y a sûrement la construction quelque part. Probablement. Donc, tu manges mon cœur, Tania, on s'en est pas parlé avant. Est-ce que tu commences ou je commence? Vas-y, Mathieu, on a tendance à te laisser y aller en premier. Ah, ça dépend. Ça dépend de où on est rendu dans notre feeling. On va parler de, je dirais, de films et de séries télé aujourd'hui un petit peu. Pour commencer, c'est un film, site web, oui, qui vous permet de tester un petit peu vos connaissances en film, en anglais, pas mal, je vous dirais. Donc, des éléments qui sont importants dans un film, c'est souvent le début et la fin. Tu sais, tu te dis, bon, si tu manques le début du film, c'est bien pour le regarder. Tu sauras pas suivre. Ouais, c'est vrai. Tu n'auras pas les informations clés sur les personnages. Donc, le dialogue au début du film est très important. Et bien sûr, la fin, souvent un petit punch, là, quelque chose qui frappe fort à la fin. Donc, si t'es pas capable de te rappeler du début et de la fin d'un film, ben, tu n'iras pas jouer sur ce nouveau site web-là qui s'appelle attinternetservice.com/, peu importe, là, c'est sur assemblagerequis.com que vous avez trouvé ça. En fait, c'est fait par AT&T Internet, le service Internet de AT&T aux États-Unis, bien sûr. Donc, c'est des références, en fait, aux premières ou aux dernières lignes de dialogue en utilisant de la typographie et des illustrations à l'occasion. Donc, ça récapitule, nous dit-on, les 50 dernières années de cinéma dans un slideshow. Donc, on peut aller voir ça sur assemblagerequis.com, comme j'ai dit. Donc, évidemment, c'est en anglais. Si j'appuie sur Start, on va voir, bon, I believe in America. Évidemment. Bien sûr. Ce serait, je le continue, America has made my fortune. OK. Et la dernière ligne du film, coup de gun... Coup de gun. Coup de gun. Et ça dit Don Corleone. Quel film est-ce que c'est? Je suis pas tant bonne de ce côté-là. C'est pas Terminator? Absolument pas. Don Corleone dans Terminator. Écoute, ça aurait pu, hein? Ça aurait pu, mais non, c'est The Godfather, le parrain. Ah, ben oui, j'aurais dû y passer. En 1972, voilà. Mais j'ai pas vu le dernier, donc c'est peut-être pour ça. Ah, ben c'est le premier. Ah ben, je l'ai vu. Ouais. Ensuite, en voici un autre. Je vais la repartir parce que ça a commencé assez vite. Je te dis la première ligne. Okay. Where are we going? Swimming. Donc, où est-ce qu'on s'en va? On s'en va se baigner. OK. Ça, c'est la première ligne. Hein? Et là, la dernière ligne, c'est I used to hate the water. Avant, je détestais l'eau. Shark. C'est Jaws. Ah! Je voulais dire, mais ouais, je comprends. I can't imagine why étant la vraie dernière phrase. Donc, Jaws en 1975, et là, ça continue pour tester ton un dernier. Première ligne, Doc, hello, anybody home? Okay. Et la dernière réplique est Roads, where we're going, we don't need roads. Ah, ça, c'est Back to the Future. C'est Back to the Future en 1985, voilà. Je sais que mon père serait fier de moi. Exact. Donc, ATT, internetservice.com, /resources, /first last lines of movies. Si ça vous intéresse de chercher ça sur Google, ça va sûrement aller mieux un petit peu. Dans le même domaine, pour ceux qui cherchent la diversité dans leurs émissions et dans leurs films, on dit ici que Hollywood raconte souvent l'histoire d'hommes blancs. Mm-hmm. C'est pas mal tout le temps ça. C'est souvent ça. Ouais. Même si, en fait, on dit que les films qui ont des femmes ou des minorités sont plus profitables que les autres options où il y a seulement des hommes blancs. On dit quand même, donc, que la plupart des rôles, que ce soit réalisateurs ou même acteurs, vont surtout à des hommes blancs hétérosexuels. Du côté du public, on dit qu'il y a une forte demande pour la diversité au cinéma et à la télé. Et c'est pour ça que Mediaversity existe, mediaversityreviews.com. Donc c'est un site qui cote le divertissement, que ce soit à la télé ou au cinéma, donc tout ce qui est à l'écran, par rapport au contenu racial, sexuel et dans la diversité des genres, donc que ça représente le plus de gens possible. Le site a été fondé par un designer visuel de New York City qui s'appelle Lily. Mm-hmm. Donc ça parle, donc comme je disais, de pas mal ce qui est LGBTQ plus 2 trucs, etc., point virgule et point d'exclamation. Oui. Ces trucs-là. Et ça cote chaque divertissement sur une échelle de A+ à F en regardant la qualité du produit, donc les genres et leur temps à l'écran, comment les gens de couleur sont présentés et comment la culture queer est traitée. On donne aussi des points bonus si un film ou une émission représente un groupe particulièrement sous-représenté dans les médias, comme les personnes âgées, ou les personnes avec des handicaps de façon correcte ou qui est aidante, si on veut, ouais. On peut contre eux. Donc ça couvre la qualité en général, mais plus de choses que ça, contrairement à Rotten Tomatoes qui va être juste les critiques de est-ce qu'un film est bon ou pas. Donc MediaversityReviews.com, par exemple, en ce moment on cote la série Sense8 B+. On cote, je vais essayer de trouver des choses qu'on connaît peut-être un petit peu. Le film Baby Driver, en ce moment un D. Ok. Voilà. Donc allez voir ça, MediaversityReviews.com, et vous pouvez soumettre votre propre critique. Il y a aussi une section qui vous montre comment ils cotent les films. Il y a une section sur la recherche, sur les critiques de films et sur les critiques d'émissions de télé. Voilà, c'est tout pour moi. De mon côté, je vais aussi parler un petit peu de télévision. Vous allez voir, le temps que ça se charge. T'as de la misère ce matin. Hein? Mon ordinateur est incroyable ce matin. En fait, c'est une émission de Canal D, donc peut-être que si vous avez le câble, vous allez être heureux de savoir ça. Évidemment, j'ai pas le câble chez moi, alors j'ai passé le week-end chez mes parents. J'ai eu ma dose inconditionnelle de télévision. Un petit binge-watch. Je les remercie de m'avoir laissé monopoliser cette télévision dans la maison. En fait, c'est l'émission Ingénierie du mal. Hein? Je sais pas si tu connais ça, Mathieu. Non. Si on parle de vol de banque qui est savamment orchestré... Ah, ça, c'est le fun, les documentaires là-dessus, j'aime ça. Si on parle de contrebande de drogue qui est finement organisée, encore d'évasion de prison spectaculaire, bien, il y a comme une inventivité de certains hommes qui peut être une véritable malédiction pour certains policiers. Et c'est un petit peu ce que dans cette idée-là qu'on a fait l'émission. Alors, certains vont choisir d'utiliser leur esprit pour faire progresser la civilisation. D'autres vont se servir de leur imagination pour leur propre profit. Et c'est vraiment de ça qu'on parle dans cette série-là. C'est vraiment très intéressant. En fin de semaine, j'ai écouté un épisode où on parlait de trois personnes en particulier. On avait des experts qui avaient déjà travaillé contre eux, en fait, qui les décrivaient. On avait, bien évidemment, c'est un petit peu le style là, de Canal D où on va faire des répliques de ce qui s'est passé. Et c'est vraiment très intéressant parce qu'on en apprend beaucoup. Entre autres, on en a appris sur le Dark Web dans l'épisode que j'ai vu cette fin de semaine. Donc, si on parle de dangereux criminels qui possèdent une intelligence qui est extrêmement vive, extrêmement aiguisée, bien, ça semble en fait que rien puisse les arrêter. Et c'est un petit peu, ça qu'on fait. Là. On vous décrit qu'est-ce qu'ils ont fait et pourquoi ils sont devenus si, entre guillemets, connus selon leur intelligence. Donc, à travers des entrevues, à travers des images d'archives, il va y avoir une série où on dépeint des criminels qui ont été très intelligents, très ingénieux comme jamais et ce qu'ils ont mis au point, en fait, a réussi à créer certains crimes. Cool, Ingénierie du mal sur Canal D. Ingénierie du mal sur Canal D, c'est merveilleux. En tout cas, j'ai bien aimé l'épisode que j'ai vu. Ça va faire que tu vas retourner chez tes parents une fois de temps en temps. C'est ça, exactement. Dis-moi, je vais essayer. La deuxième chose dont je veux vous parler, c'est l'onglet recette d'un site Internet. Pour certains, vous connaissez peut-être déjà ce site Internet-là qui est maisonjacinthe.ca qui vient en fait d'une artiste québécoise. Et on parle beaucoup de bien-être, on parle beaucoup de produits, de culture, vitalité. Mais dans la section recettes, eh bien, on a des sous-catégories. Et là, je vais vous les présenter un petit peu parce que peut-être que vous allez aimer ça. En fait, vous avez pour les végétariens, vous avez la catégorie super aliments. Vous avez aussi la catégorie sans lactose, sans gluten, protéinés. Donc, c'est vraiment pour ça, en fait, que je vous présente cet onglet recette-là. C'est qu'il y a une panoplie de recettes qui a été faite. Évidemment, si vous préférez des recettes sans lactose, eh bien, vous avez tout simplement à cliquer sur le sans lactose et ça va vous amener toutes les petites recettes qui ont été faites qui ne contiennent absolument pas de lactose. Vous en avez d'autres. Vous avez aussi les catégories, par exemple, collations. Mm-hmm. Si vous voulez juste avoir des collations, bien, c'est très faisable de les trouver rapidement. Même chose pour enfants. Si vous avez des enfants, vous savez pas trop quoi leur faire pour les journées d'école et tout ça, et bien dans la catégorie enfants, vous allez trouver des choses qui vont être bonnes pour la santé, vous allez trouver des choses qui vont être rapidement faites et qui vont plaire à vos enfants aussi. C'est toujours un petit peu le questionnement qu'on a entre parents. Ça, je suis aucunement parent exactement, mais je me souviens en fait du fait que j'avais la chance d'avoir ma maman à la maison la semaine pour nous accueillir dîner, donc j'avais pas nécessairement de lunch à devoir recevoir, mais mes amis qui dînaient à l'école, ils étaient donc tannés des sandwichs tous les jours. Alors, peut-être que cet onglet-là va vous sauver la vie en tant que parent, on sait pas. Sinon, vous avez aussi tout ce qui est vitaminé. Si vous cherchez des choses qui sont vitaminées, qui sont protéinées et que vous avez vraiment, par exemple, un régime strict ou peu importe, vous suivez un mode de vie qui est très, très protéiné, vitaminé, eh bien, vous avez ces onglets-là aussi sur lesquels vous pouvez cliquer et ça va vous amener des recettes qui sont directement reliées à ce que vous recherchez. Donc, c'est merveilleux. Cool. J'adore ça. J'ai fait le tour de ces recettes-là. Et il y a une tartinade chocolat et noisettes m'attire incroyablement. Et je pense que je vais devoir l'essayer. Je suis vraiment trop obsédé par la tartinade au chocolat noir là, oui. En 5 heures, en ce moment. Oh mon Dieu. Ah, que je capote. Le dernier dont je veux vous parler, mon coup de cœur, en fait, on le sait, les fromages, c'est assez difficile de s'en défaire, surtout lorsqu'on aime déjà ça. Si on a un problème, par exemple, de lactose, c'est assez difficile de trouver des fromages sans lactose qui sont bons. Si on est végétalien, si on est végétarien, est-ce qu'on peut manger du fromage? C'est la grosse question que plusieurs se posent. Je vous dirais que c'est aussi la règle d'or par laquelle certains végétaliens et certains végétariens vont vivre, c'est-à-dire que c'est la seule chose qu'ils vont s'allouer d'animalier. Mais j'ai une alternative pour vous qui est entièrement québécoise. J'ai découvert ça hier en faisant un petit peu de recherche sur le web. C'est le fromage. Le fromage, non, oui. J'approuve pas. Ah, ok. Non. Mais c'est du fromage, en fait, veg nature. Donc, on parle de fromage végétalien. C'est tellement le fun. Tu sais, fromigan, ça l'entendait pas, ou autre chose, n'importe quoi d'autre. Bien, en fait, Mathieu, ça a été fondé en 2014. Veg nature, c'est le produit de l'imagination d'un travail qui a été fait par Nancy Grenier. Et c'est une entreprise écologique, antispéciste et humaine. Donc, on conçoit, en fait, on fabrique et on distribue des fromages végétaliens veg nature, qui sont appelés des fromages, comme je le disais tout à l'heure. Mais il y a aussi d'autres produits dérivés, là, dans plus de 150 détaillants dans tout le Québec. On en a aussi du côté de l'Ontario, au Nouveau-Brunswick. Il y en a dans quelques États des États-Unis, mais à la base, tout ça, c'est québécois. Donc, on a à cœur d'offrir, bien évidemment, à la clientèle le plaisir visuel et gustatif du fromage qu'on aime, sans qu'on ait trop de compromis à faire ou sans qu'on se sente mal de devoir consommer du fromage si on veut consommer du fromage. Alors, je vous invite à aller faire un tour sur le site internet qui est vegnature.com et vous allez pouvoir trouver les détaillants où vous pouvez les trouver. Moi, je vais comme m'accourir à aller l'essayer, surtout si c'est des sans lactose, parce que Dieu sait à quel point les fromages sans lactose, parfois... Goûte pas grand-chose, hein? Ça manque de goût ou... C'est smell de botte, ouais. Un petit peu. Alors, j'espère que ça va être bon. On en a vraiment plusieurs saveurs, entre autres trois poivres et ciboulette. On parle de herbes de Provence et oignons. Il y a des styles comme les styles de fromage de chèvre à pâte semi-ferme, je vous dirais. Donc, il y en a vraiment là, pour tous les goûts. Vous allez certainement trouver ce que vous recherchez dans tout ça. Du fromage. Merci, Tania. Ça fait plaisir. C'était donc « Tu manges mon cœur » à la chronique de nos coups de cœur. On s'écoute une pièce de Danny Placard. Voici « Full Face » parce qu'on a envie de se mettre du fromage partout sur la face. Je t'en supplie. Je voudrais rester seul. On sait que la nuit est en notre audit. Quand le jour se forme l'aïeul, J'mets mon full face body. Et enfin, je serai seul. J'fais du vacarme pour te faire peur. Ah, même si le calme et la noirceur veulent se coller. Cesse de parler, j'en peux plus. Je voudrais rester seul. Le ciel est bleu à perte de vue. La nuit se ferme la gueule. Je mets mon fond. Je fais du vacarme pour te faire peur. Ah, même si le calme et la noirceur veulent se coller sur moi comme un plat. Du palmarès francophone en ce moment, c'est Danny Placard avec Full Face à Assemblage Requis. Tania, t'as trouvé une information pertinente pour aller avec Tu manges mon cœur de tantôt? Oh que oui, je vous parlais de fromage végétalien et végétarien tout à l'heure. Eh bien, sachez qu'à Trois-Rivières, c'est possible sur la rue Fusée, au commerce La Petite Meunière. Donc, vous allez pouvoir retrouver de leurs produits là-bas. Ah, oh, c'est le fun, ça. C'est merveilleux. Puis, il y en a un aussi du côté de Nicolet, si jamais vous êtes là au côté du pont. C'est au commerce La Belle Verte. Ah, bon. Je ne sais pas c'est quoi, mais il y en a un là-bas. Alors, on continue. Tantôt, on était dans. Avant de faire Tu manges mon cœur au début de l'émission, on était dans son foutu palmarès. Donc, retournons-y quelques instants parce que j'ai trouvé quand même quelque chose d'intéressant. On parle de vocabulaire cette fois-ci. Mm-hmm. On va commencer, en fait, par la liste des plus longs mots du monde. D'accord. Ça pourrait être intéressant. Espérons-le. Oui. Sinon, ben, on espère certain. Sinon, c'est pas le fun. Non, c'est ça. Donc, les plus longs mots dans plusieurs catégories. Bon, on connaît anticonstitutionnellement et autres. Mm-hmm. En anglais, le nom qu'on dit souvent, c'est anti-disestablishmentarianism, mm-hmm. qui est entré dans la langue anglophone le 17 août 1955, lorsque Gloria Luckerman, une fille de 12 ans de Baltimore, a réussi à l'épeler correctement au quiz de $64,000 question. C'est l'équivalent de pyramide. D'accord. Des millions de gens regardaient ça dans leur salon. Et à 28 lettres, on a déterminé que c'était le mot le plus long à ce moment-là. Mais il y en a d'autres dans d'autres catégories. Par exemple, méthionyl, tréonyl, réonyl, glutaminyl, arginyl, isoleucine. Et il y a des, ça, là. Et il y a des trois petits points là-dedans. Ah oui, d'accord. Le nom chimique complet pour la protéine humaine titine. Titine. On l'appelle titine des fois. 189 819 lettres. Ça prend environ 3h30 à le prononcer. Aïe, aïe. Et là, on parle de le prononcer correctement, pas le prononcer comme je viens de le faire. Non, c'est ça, exact. Le problème avec l'inclusion des noms chimiques, c'est qu'il n'y a pas vraiment de limite à leur longueur. Par exemple, juste nommer un seul bout d'ADN avec des millions et des millions de paires qui se répètent pourrait faire au-dessus d'un milliard de lettres. Wow. Ensuite, je vais encore m'essayer et me planter complètement. Mais non, mais non. Le padoté, macocella, chogaleo, cranio, lepsane, ptérigone. Ah, encore avec trois petits points, évidemment. Oui, trois petits points encore dans le milieu. Donc, c'est le plus long mot à être apparu dans la littérature. Ça vient de la pièce de théâtre d'Aristophane, Assembly Women, publiée en 391 avant G.C. Le mot grec a 171 lettres, mais se traduit en 183 lettres en anglais. Ah, OK. Donc, ça fait référence à une fricassée fictive qui contient, entre autres, de la tête de la tête de poisson pourri. Arc. Et des trucs comme ça. Il y a plein d'autres animaux qui sont fictifs, évidemment. Donc, ben oui, je vais dire évidemment. En anglais, dogfish head, wrasse, wood pigeon et la tête rôtie d'un dab chick. Entre autres. Rien de moins. Ensuite, pneumo, ultramicroscopique, silico-volcanoniosis. Je pense que c'est une maladie reliée avec les poumons. Ça se pourrait. 45 lettres. Pas. C'est le plus long mot qu'on trouve dans un dictionnaire majeur. C'est une version de la silicose, qui est le nom scientifique complet pour une maladie qui est l'inflammation des poumons. Étant donné l'inhalation de poudre de silica. Je vous jure que j'avais pas lu le paragraphe avant. Non. Wow. Je vous le jure. C'est inclus dans le dictionnaire, mais on dit que c'est superflu un peu, étant donné que ça a été simplement inventé pour pouvoir avoir le titre du nom du mot le plus long en anglais. Ah, ben oui, évidemment. Ensuite, parastratio phécomia stratios phécomioides. OK. Ouais, c'est donc une construction binomiale à 42 lettres, une espèce de mouche native en Thaïlande, une durée de vie d'entre 5 et 8 jours. Ouais, bravo à elle. Ensuite, pseudo, hypo-parathyroïdisme. OK. Désordre de la thyroïde, qui a 30 lettres. Ah ouais? Encore une fois, c'est le nom. En fait, celui-là, c'est le nom, le mot le plus long qui n'a pas été inventé pour simplement apparaître dans le dictionnaire. Ah, OK, ça existe pour vrai. Ça existe pour vrai. Ensuite, fluxinosinilipilification. Ben oui! Une lettre de plus que anti-disestablishmentarianism en anglais. Donc, c'est le mot non technique en anglais qui est le plus long. C'est un mash-up, un mélange de cinq racines latines. Ça fait référence à l'acte de décrire quelque chose qui a très peu ou pas de valeur. Ah, OK. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. De décrire quelque chose en donnant l'impression ou en faisant comme s'il n'avait pas de valeur. Voilà. Et donc, c'est dans le dictionnaire anglais de Oxford. Merriam-Webster, lui, refuse de le reconnaître, disant que son existence est simplement une éphémère. Ouais, c'est ça, linguistiquement éphémère. Ensuite, subdermatoglyphique. Oh! 17 caractères. On y va avec la peau cette fois? Ouais, exactement. Donc ça fait. En fait, on dit que c'est le plus grand, le plus long isogramme accepté. Donc c'est un mot où chaque lettre est seulement utilisée une fois. Ça fait référence à la peau, oui. Donc ça détermine le pattern formé par les monts et vallées de nos empreintes. Oh, d'accord. Digitales. Je savais pas. Ouais. Est-ce que c'est un vrai mot ou. Oui. Subdermatoglyphique. D'accord. Ouais. Ensuite, squirreled. Genre, tu t'es fait squirrel? Tu t'es fait écureuiller? C'est ça? Je sais pas. T'es fait attaquer par un écureuil? Donc, la version acceptée en anglais américain a seulement un L, mais dans la version britannique, dans les dictionnaires Oxford et Merriam-Webster, on reconnaît l'épellation alternative. Et on dit que c'est une prononciation en une seule syllabe. Syllabe. Okay. Donc, un peu comme world en anglais, on a squirreled, c'est une seule syllabe. Difficile à dire quand même en une seule, je trouve. Ouais, moi aussi. Mais bon, ça fait que c'est le plus long mot à une seule syllabe qui n'a pas été inventé juste pour ça dans la langue anglaise à 11 lettres. OK. Ensuite, toujours en anglais, abstentious. Quelqu'un qui ne fait pas d'excès particulièrement lorsqu'il mange et boit. Ça a 11 lettres, c'est le plus long mot à utiliser les 5 voyelles dans l'ordre exactement une fois. Abstentious. Ensuite, rotavator. Il est là! Un truc de moissonneuse-batteuse pour brasser la terre, en fait. C'est le plus long nom palindrome qui n'a pas été inventé juste pour l'être dans le dictionnaire en anglais à 9 lettres. Donc, ça veut dire que ça se lit d'un bord à l'autre et puis de l'autre bord à l'un. Tu comprends? Mm-hmm. Il y a aussi detartrated qui a 11 lettres, qui apparaît dans certains glossaires chimiques, mais qui est généralement considéré comme trop vieux et démodé pour se qualifier comme un mot palindrome. Ah, d'accord. Et ensuite, on a CWTCH. OK. Quitch. Et E-U-O-U-A-E. U-A-E. U-A-E. C'est les plus longs mots à apparaître dans un dictionnaire majeur qui comprennent en fait que des voyelles ou des consonnes, mm-hmm. Dépend de leur cas. Donc, un quitch ou un quirth, c'est un mot Welsh. Welsh en français. C'est un de ceux que j'oublie tout le temps. Je m'en excuse, c'est le mot gallois en français. Donc, c'est un mot gallois qui veut dire une cachette. Alors que l'autre, mm-hmm. C'est un terme musical médiéval. Techniquement, c'est un appareil mnémonique, mémotechnique, mais on l'a accepté comme mot en tant que tel. Donc, il doit décrire plusieurs choses, dépendant de la lettre. C'est les voyelles du mot Seculorum Amen. Oui! Oui, oui, oui. Et c'est une abréviation dans les livres pour montrer la distribution des syllabes. Bref. Ouais, c'est ça. C'est à peu près ça. Hey boy! Ouais. Pas évident, celle-là. Pas évident du tout. Voilà, ça va être tout pour celui-là. Donc, sauf Super Marès, le lien est sur assemblagerequis.com. On prend une pause et au retour, Marc-Olivier Dumas et sa chronique Sport et Filoché. Qu'est-ce qui s'en vient, Marc-Olivier, tantôt? On va parler des expos des Roadrunners. Non, c'est pas vrai. Ah. OK. Un petit tour dans le passé. Ouais, retour vers le futur. C'est une reprise, mais sur le jour. C'est ça, exactement. Une reprise. C'est le fun, c'était une reprise. On pourrait rester couché. Je serais resté couché. Moi aussi. Je suis parti de Montréal ce matin. Ah non, je pense qu'on serait tous restés couchés. Mais tu sais, je me suis levé à 5h30. Ah, ouais. Tu fais donc pitié, moi aussi. Moi aussi, ouais. on est trop dans le même bateau. Yeah! Et le retour des vacances, c'est pas toujours évident pour personne. Bref, hein, on en parle. Au retour. Oui. As-tu dit ce que ça en est? Je t'écoutais pas. Pantoute. Pantoute. Pantoute. Surprise. On a juste fait des blagues. OK, on revient. Restez là. Aujourd'hui. Vous êtes assez tassé pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1 Assemblage Rocky pour toi aujourd'hui. L'Assemblage requis en ce mardi 10 octobre 2017, elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Oh, qu'on est en forme ce matin, hein? Oh, tout à fait. Ok, oui. Marc-Olivier Dumas qui est avec nous. Je suis avec vous. T'es là, là. Pour t'es vrai? Présent, ben aussi mentalement présent que nous, peut-être. Oui. Mais physiquement aussi. Ah oui? Ouais. Ah. On est tous physiquement présents ce matin. Tu m'apprends quelque chose. Est-ce qu'on est prêt à parler de sport? Hein? Toujours. Oh, voici sport et filoché. We'll be right back. Marguerite Dumas. Ça sonne toujours aussi bien dans mes oreilles. C'est ça? Le matin, là, ça pompe un peu. Ça réveille, hein? Ça prime. Ça réveille. Ça, pour réveiller, ça réveille. Ça réveille. Le journal de Marc-Olivier apporte le mot Hailstorm. Est-ce que c'est une tempête de bière? Exact. Ça doit être ça, hein? Mais c'est mon groupe préféré, en fait. Ah, ouais? Oui. Ça fait Sharknado, sûrement prochain film là, où il y a de la bière en tornade. Pratiquement. En fait, c'est un groupe power metal, metal pirate. Metal pirate? Oui, toutes leurs pièces tournent autour de la piraterie. C'est toutes les MP3, non? Oui, ils sont toutes downloadables illégalement. Il l'encourage fortement. Ouais, ouais. Non, mais c'est toutes des tunes qui parlent de piraterie de près ou de loin. Donc, oui, et t'es verrais sur scène et ils sont tous habillés comme des pirates. Et... C'est pour ça que ton Facebook, à chaque fois que t'oublies de le déconnecter, il est en mode pirate, hein? Toujours. La langue pirate sur Facebook, ça existe. Anglais pirate. Anglais pirate. C'est fascinant. C'est bref, fun. On est là pour parler de sport, Marc-Olivier. Ah, je pensais qu'on parlait de culture. Ben ouais, ouais, ça nous adonne des fois de divaguer un petit peu. Mais tu nous parles de sports locaux, universitaires, régionaux, peu importe, dans l'ordre que ça te tente. Par quoi est-ce qu'on commence? On va commencer par le football. En fait, c'est pas local directement, mais le football universitaire. Jeudi dernier, je vous avais parlé du match entre Montréal et Concordia qui avait été déclaré forfait par Montréal. Oui. Eh bien, la décision a été renversée. Oh. Au lieu d'être un forfait de Montréal, le match a tout simplement été annulé. Donc, il n'y a pas un point qui va par défaut à l'équipe qui a déclaré pas forfait. Exact. C'est ça. Il n'y a pas eu de victoire par forfait. Les deux équipes ont simplement annulé le match complètement. Mais c'est une meilleure idée, je pense, non? Rappelle-nous le contexte de ça, c'est parce que tout le monde était malade, n'est-ce pas? Exactement. Les Carabins de Montréal qui devaient jouer contre les Stingers de l'Université de Concordia, eh bien, ils étaient aux prises avec la gastro-entérite. Cette maladie. Donc, tu sais, avant de... Ça joue mal. Ben, avant de se ramasser avec les culottes blanches qui deviennent brunes, on est peut-être mieux de canceller le match. Je me suis enfargé, j'ai plié dans la boîte. Ben non. C'est ça. Mais avec tout ça, ça fait pas nécessairement l'affaire des Carabins. Les Carabins qui auraient souhaité jouer le match hier. Ah oui, ils auraient aimé qu'on le reporte. Oui, ils auraient préféré qu'on le reporte parce que là, avec le changement, on enlève un match aux Carabins et aux Stingers. Donc au lieu de jouer 8 matchs dans la saison, ils vont en jouer 7. Et pour déterminer le gagnant, au lieu d'être par le nombre de points, étant donné qu'il n'y a pas de match équivalent de jouer, là, on n'aura pas joué le même nombre de matchs. Pardon. Eh bien, pour déterminer le gagnant de la saison régulière, ça va être au prorata des points. Ah bon. Donc, étant donné que Montréal joue un match de moins, on s'entend que Montréal aurait dû gagner contre Concordia normalement. Bon, ça joue sur le terrain, mais normalement, Concordia était largement négligé dans ce match-là. Eh bien, là, Montréal va jouer contre l'Université Laval dans les prochaines semaines. Je vais juste le trouver. Mais ça s'en vient très bientôt, ce match-là. Et Montréal va être forcé de battre Laval contre... c'est le match du 21, donc dans deux semaines, au stade TELUS de l'Université Laval. Montréal va être obligé de battre Laval là-bas pour pouvoir terminer premier et avoir l'avantage du terrain. Ouais. Dans le cas où, si le match avait été remporté par Montréal, les Carabins n'auraient pas nécessairement été obligés de remporter le match, arrêter au prorata des points pour, des points contre. Donc, ça change complètement la donne. Donc, pour que les Carabins remportent le championnat québécois, la Coupe Dunsmore, ils se devront battre au moins une fois le rouge et or chez eux, parce que sinon... C'est un petit défi de plus, là, hein? Ils sont capables de faire ça. Mais dans ce genre de ligue-là, c'est quand même très important, l'avantage du terrain. Ça fait une très, très grosse différence. Donc, ça veut dire que le match se joue sur le terrain de l'équipe qui a gagné le précédent. Ça marche comment? En fait, l'équipe qui finit le plus haut classement a l'avantage du terrain. Donc, ils peuvent jouer sur leur propre terrain. Oui, juste avec sur leur propre public, etc. Exactement. Okay. Donc, 4 équipes sur 5 qui font les éliminatoires. La 4e position va jouer chez la première position et la 3e position va jouer chez la 2e position. Okay. Là, il va y avoir des gagnants. Et le gagnant le mieux positionné va jouer à domicile et le gagnant le moins bien positionné va jouer à l'étranger. Ouais. Donc, dans le cas où la 4e position battrait la 1e position, bien, il irait jouer chez le 2e ou le 3e. Mm-hmm. Dans le cas où le premier gagne, mais il a l'avantage terrain jusqu'au bout. Donc, c'est des petites nuances. Donc, pour Montréal, c'est pas nécessairement quelque chose qui est bon pour eux, mais... Mais c'est pas dramatique, pas insurmontable non plus. Non, mais c'est ça où il déclarait forfait, donc c'est peut-être mieux à ce niveau-là encore que ce soit au prorata. Peut-être que Laval pourrait échapper un match ici ou là. Ça reste à voir. Laval qui a vaincu facilement Sherbrooke cette fin de semaine, 46-15. Il est là! Oui, c'est... Ça fait mal? Oui. Mais Laval, Montréal sont dans une ligue à part à ce niveau-là. Montréal est toujours premier au classement. Mm-hmm. 4 victoires, aucune défaite. Vont rester premier tant et aussi longtemps qu'ils n'auront pas perdu contre Laval. Oui. Donc, tant que Montréal est invaincu, il va être premier. Laval est deuxième avec 5 victoires, une défaite. Concordia, troisième, 2 victoires, 3 défaites. McGill, 4e, 1 victoire, 4 défaites. Et Sherbrooke, 5e avec 1 victoire, 5 défaites. Et il y a une autre équipe qui est avantagée dans cette histoire-là, c'est Concordia. OK. Si Montréal est désavantagé parce qu'ils perdent une victoire, ben Concordia, eux autres, ils perdent une défaite. Ah, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Fait qu'eux autres, leur prorata va être juste avantagé par cette histoire-là. Donc, je pense pas que Concordia... va chialer. Non, c'est ça. Eux autres avaient le choix de replacer la game ou de... Non, on est occupé, c'est action de grâce. Ah, nos joueurs s'en vont dans leur famille. Ils peuvent pas jouer. Tu sais, peu importe la raison, toutes les raisons sont bonnes pour dire que ça ne tente pas de jouer en fin de semaine. Ouais. J'ai hâte de voir l'année prochaine les carabins qui vont être commandités par genre Imodium. Ou... Tant qu'à parler de football, on va rester au niveau football parce que les Diablos jouaient à domicile c'est le 7 octobre dernier, donc 7 octobre c'est samedi. C'est bien ça. Et c'était contre Valleyfield. Valleyfield qui n'avait toujours pas perdu un match cette saison. Donc, c'était une grosse commande pour les Diablos. Et les Diablos ont répondu à l'appel. Une grosse victoire de 31-29. C'est... Grosse victoire, ce 31-29, ça a l'air serré. C'est très serré, mais c'est une victoire importante. Mais c'est une grosse victoire en soi. Ah, OK, elle représente Oui, c'est ça. Okay. Tu sais, battre Beauce Appalaches. Bon, hey... Non, tu es-tu de la Beauce? Non, toi. Bon, arrête de chialer. Je sais pas. Non, mais Beauce Appalaches ou Thetford ont encore aucune victoire et ont 5 défaites. Donc, c'est pas nécessairement une grosse victoire sur le plan moral. C'est pas une victoire qui est, entre parenthèses, oui, c'est important, mais c'est pas les victoires qui font la différence au classement des fois à la fin. Alors que ça, contre Valleyfield, une équipe qui est largement favorite tout le temps à chaque année, d'aller les battre, oui, à Trois-Rivières, mais qu'on les batte, c'est très, très bon pour l'équipe et ça... présage bien pour le reste de la saison. Mmh. Alors que Trois-Rivières seront au Cégep Édouard-Montpetit ce samedi, donc 14 octobre. C'est au Cégep Édouard-Montpetit qui est sur la rive sud à Longueuil. OK. Exactement. Édouard-Montpetit, 3 victoires, 2 défaites. Trois-Rivières, 4 victoires, 1 défaite. Ils sont présentement au troisième rang, mais ils ont un match en main sur Valleyfield et John Abbott. John Abbott qui sont premiers avec 6 victoires, aucune défaite. Il leur reste encore 3 matchs à Trois-Rivières. Donc, cette fin de semaine contre Édouard Montpetit. Ensuite, c'est le 21 octobre à Trois-Rivières contre le cégep de Lionel Groulx. Et finalement, l'équipe des Diablos compléteront leur saison à Thetford contre l'équipe de Thetford. Donc, plusieurs matchs. Lionel Groulx, 3 victoires, 2 défaites. Édouard Montpetit, 3 victoires, 2 défaites. Et Thetford, aucune victoire, 5 défaites. Donc, 2 grosses commandes encore pour les Diablos. Mais après ça, ça risque d'être un petit match facile avant les éliminatoires. Mais on va se dire, dans le sport, il n'y a pas de match facile. C'est ça, je voulais dire, il n'y en aura pas de facile, ça. Hein? Normalement. Cliché le dit. Le cliché, mais le cliché n'est pas toujours vrai. Donc, maintenant, passons au hockey parce que nos Patriotes débutaient leur saison. Ah! Oui, c'était le premier match de la saison cette fin de semaine. Ils jouaient le 10, pas le 10. Ça, c'est le mois. Non, c'est ça. Octobre. 7 octobre, okay. Ils jouaient samedi contre les Redmen de McGill à McGill. Et bon, c'est une entrée un petit peu ratée pour les Patriots. Une défaite de 3-0. Ouh! Ça reste moins pire que le Canadien samedi soir. Ah. Oui, mais n'en parlons pas. Non, c'est pas ça. Mais, t'sais, 3-0. On le sait que les Patriots ont une équipe qui sont en reconstruction. Et ça fait peut-être une différence à ce niveau-là. Mais et en même temps, quand on regarde l'équipe des Redmen, c'est probablement l'équipe favorite au niveau du hockey universitaire québécois. Oui, clairement. Donc, c'est pas surprenant cette défaite-là, surtout à McGill. 3-0, c'est pas dramatique. Peut-être qu'on aurait souhaité marquer 1 ou 2 buts, tu sais, montrer qu'on a quand même... Ouais, pas au moins avoir un lavage. C'est ça, tu sais, montrer un peu qu'on a des dents en offensive. Mm. McGill, ça reste quand même une puissance, puis ça reste des rivaux. Donc, ça aurait peut-être été intéressant de montrer un petit peu des dents. Malheureusement, on l'a pas fait, mais... La prochaine fois. Peut-être. Hein? Qui sait? Tant qu'à parler de hockey, Shawinigan, on va vraiment parler rapidement. 2 autres défaites en fin de semaine. Est-ce que ça ne tente vraiment d'en parler? Aucune victoire, 7 défaites et 1 défaite en prolongation pour les Cataractes. Ça fait mal. Je commence à penser que c'est pour leurs yeux qu'ils s'appellent comme ça. Ah, franchement. Mais là, je veux dire, quand tu gagnes pas, c'est peut-être un problème d'yeux à passer la rondelle à la bonne place, ou peut-être ton gardien a des problèmes... Ouais, mais on avait tellement eu, dans les deux dernières années, des bons joueurs. Tu sais, les deux ont été recrutés dans la Ligue nationale. C'est peut-être Samuel justement Gérard. Ben, Samuel Gérard, puis il y a eu aussi l'autre avant lui, dont le nom m'échappe. Mais c'est peut-être juste ce fameux creux-là, de après avoir eu deux gars qui sont incroyables, mais de juste... retourner à la ligue nord, tu sais, la ligue mais oui, junior majeur. C'est exactement ça. Le hockey mineur, le hockey junior et universitaire, c'est des cycles. Ouais. Les joueurs sont là 3, 4, 5 ans. C'est pour ça qu'on parle de lavage. C'est ça, exactement, c'est des cycles. Exact. Il y a des cycles plus longs, des cycles plus courts. Délicat. Délicat, c'est quand tu te fais pas trop planter, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc oui, bon, le cycle des cataractes est venu à fin l'année dernière. Donc là, on va être dans le creux de la vague. Mm-hmm. On va repêcher tôt, on va échanger nos meilleurs joueurs pour qu'il y ait peut-être une chance de se rendre en éliminatoire. On va aller chercher des choix des jeunes joueurs. Et tranquillement, ben, les cataractes, d'ici 2-3 ans, devraient être de retour au sommet. À longue haleine. Faut attendre, faut être patient. Ben, le junior, c'est exactement ça. Il ouais. y a certaines équipes qui réussissent, je ne sais pas comment, à rester compétitives 3, 4, 5 ans, même une fois le cycle terminé. Mais en temps normal, une équipe, c'est un cycle, et on recommence. Cycle, ouais. on recommence. Et les Patriots, c'est un peu la même chose. Là, on est dans un bas de cycle. Mais en même temps, les Patriots, c'est le genre d'équipe qui sont capables de rester compétitifs tout le temps. Mm-hmm. Ils ont un programme de hockey qui sont capables d'aller chercher des joueurs compétitifs dès leurs premières années. Là. On va chercher dans la Ligue junior majeure du Québec des gars qui en manquent pas gros pour faire la Ligue nationale, mais qui ça leur tente pas nécessairement de passer 2-3 ans à jouer dans la East Coast League, par exemple. Mm-hmm. Préfèrent faire des études. Puis on peut les comprendre. Là. Si t'as pas vraiment d'espoir de jouer dans la Ligue nationale, pourquoi aller faire un salaire de misère quand tu vas prendre ta retraite à 25 ans du hockey et faire comme « Ouais, ben, j'ai plus d'avenir, moi, là. » Et ça a tellement l'air tentant. Hein? Ben, y en a beaucoup. Ouais. Tu sais, il y en a beaucoup qui rêvent à la Ligue nationale, qui vont faire la palette, on va se le dire. Ouais. Mais au final, il y en a combien, là? Il y a combien de joueurs dans la Ligue nationale? Eh hey boy, c'est y en a 620, je pense. Aux alentours. Peut-être 700? Ouais. 700 dans le monde, là. Puis ouais, là-dessus, ouais, c'est ça, c'est à travers le monde, là. C'est pas ça. Juste... Donc, il y en a beaucoup qui rêvent, beaucoup d'appels, peu d'élus. Et voilà. Donc, c'est peut-être une bonne décision de venir à l'université, justement, faire un programme en administration, en enseignement, peu importe. Mais au moins, avoir une porte de sortie une fois que ta carrière de hockey est terminée. Ouais. Il y a des gars comme Guillaume Asselin, ben là, il y a un bac, mais il joue dans East Coast League. Quand sa carrière de hockey va être terminée, ben il y a un bac. Mm-hmm. Il y a de quoi pour continuer. Il va avoir autre chose, oui. Exact, alors qu'il y en a d'autres. Ben, Sidney Crosby, s'il n'était pas le meilleur joueur au monde, là, il y a peut-être un contrat à la fin. Il n'y a pas grand-chose. Non, c'est ça. Il va avoir de l'argent, mais... Il fait pas ses propres burgers chez McDo. Non. C'est pas lui. Non, c'est pas lui, c'est Gallagher. Ah, c'est ça. Non, lui, il fait ça, c'est chez Tim Hortons. C'est ça. Ah, Crosby. Ah, ouais. Parce que c'est une Timbit. Ah oui, je me rappelle. Hey, franchement. Mais non, mais c'est vrai, il a fait partie du club Timbit. Ah, oui, c'est vrai. C'est comme ça qu'il a été connu. OK. Je pensais que tu parlais d'autre chose. Non. J'ai pas dit petite bite. Ça, je veux pas le savoir. Ça méritait l'explication, ça. T'as de l'air d'y connaître un petit peu. Non, non, j'ai dit petite bite. OK. Ça, on poursuit au niveau du cross-country. Il y avait la troisième compétition cette fin de semaine, autant du côté masculin que féminin. Du côté masculin, au niveau équipe, on a terminé au 11e rang sur... 15, donc Lucas qui termine 11e. Le meilleur résultat est venu de Marc-Antoine Senneville avec une 24e position, un temps de 33 minutes 45. Le gagnant de l'Université Laval, Yves Sicubuabo. Je pense que je prononce ça comme du monde. Environ. C'est pas la première fois que je prononce son nom non? ici. Hein? C'est pas la première fois que tu prononces mal non plus. Hein? Non, c'est pas grave. 31-43 la victoire, donc avec son 26e rang, arrive un petit peu plus que 2 minutes. En retard, 2 minutes 2 pour être 2 minutes 40 pardon, pour être exact. Donc Marc-Antoine 24e position. Le deuxième meilleur patriote, c'est Nicolas Gilbert avec une 41e position, 34 minutes 46. Hmm. Et bon, le podium, c'est Laval 1 et 2 et la troisième place, c'est McGill. Donc c'est tout le temps les mêmes universités qui terminent dans les premiers rangs. Est-ce que genre le podium, c'est comme des bouts de branches puis de la boîte là comme? Non, le podium, c'est premier, deuxième, troisième. Là, non, t'sais. Je sais, mais pour que ce soit pareil comme au cross country, faut qu'il y ait un petit obstacle pour réussir à tenir sa première position, faut que tu sois comme balancé. Non. Non, ce serait le fun. La course est finie. Ah ouais. Donne-leur une chance. Ah. Mais c'était une course de 10 km, donc 10 km en 31 minutes, je sais pas pour vous, c'est rapide en maudit. Ouais, ouais, ouais. Ouais. C'est pratiquement le rythme d'un marathon des professionnels. Mmh. Puis avec des obstacles. C'est ça, on l'a dit, c'est la randonnée pédestre extrême. Je m'imagine pas monsieur CQ Boisbeau courir sur une piste d'athlétisme. Crème, je l'aurais essayé pour le pratiquer un peu. Exact. Parce que je me dis que la semaine prochaine, il va falloir probablement que je redise son nom. Il est bien bon, c'est ça. Ben, il risque de gagner encore. Exact. Du côté féminin, c'était un 8 km. Encore au cross-country des plaines, c'était l'Université Laval qui recevait ce cross-country-là. Et du côté des Patriotes, on a fait une 8e position en équipe. Meilleur résultat, c'est Chloé Gervais-Pépin, 38e, avec un temps de 33 minutes et 3 secondes. La vainqueur de cette épreuve, c'est Anne-Marie Como de l'Université Laval. Oui, oui. Il me semble qu'il y a comme un pattern qui... Ouais. Sinon, 29 minutes flush pour Anne-Marie Como. Première place. La deuxième... Anne-Marie Como va. Anne-Marie Como va. OK, je m'en vais. Ouais, non, c'est ça. Faut, on revient. Parfois, faut... revient. C'est ça. La deuxième position, c'est des Martlets de McGill, Maggie Dargis. Et la troisième, c'est Aurélie Dubé-Lavoie. Donc, deux doublés pour les Rouges et Or qui... plante tout le monde au cross-country. Ouais. Laisse tout le monde dans la boîte. Hey, cross-country, ne pas confondre avec le cross-western. Ça, c'est quand tu cours dans des saucisses puis des petits plans verts. Hein? Comme une poutine western. OK. J'ai-tu le droit de pas être sûr de la joke que tu viens de faire? Comme... Ouais. En fait. On est en début de semaine. C'est sûr que si on parlait de sport, Mathieu, il fallait qu'il fasse une référence à la bouffe. C'est ça. Tout le temps. Hein? Tout le temps. C'est un peu déconcertant. C'est redondant. Redondant, tu dis? Ouais. Légèrement. Ça fait juste 3-4 semaines qu'il est là, imagine. Tu vois que ça fait plus longtemps que ça. Je te plains, Tania. Ouais. Je comprends ça pourquoi. Ça va s'habituer avec non, le temps. Mais je comprends pourquoi JP est parti. Ou c'est parce qu'il était jamais là. Au niveau. Bonjour, boss. Niveau soccer, il n'y avait pas de match cette fin de semaine du côté féminin et du côté masculin. C'était la fin de semaine de repos. Tu sais, ça a l'air que c'est des étudiants aussi, puis l'administration... Oui. C'est là pour tout le monde. Ben, rough, je sais pas pour vous, moi... Ben, tranquille. Ah ouais. Oui? Ben ouais. Ça, c'est ça. Je t'en admets. C'est hein. Pour ça que tu manques des réunions. Oh! Oh! Non, mais... J'avais averti ce matin. J'avais averti, et j'ai dit que c'était pour Action de grâce, parce qu'on avait un souper d'Action de grâce. Mais tout le monde avait de l'Action de grâce. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais averti, j'étais à Montréal. Regarde. C'est pas comme si j'avais dit que... j'avais rien dit puis j'étais pas venu. J'avais dit que je serais pas là la semaine passée. Bref, bon. Vous réglerez vos problèmes en famille. Déjà, avec la daine. C'est ça. Mais c'était pas de la daine qu'on mangeait. Non. Pas grave. Donc, les prochains matchs cette fin de semaine, vendredi, les Patriotes féminines affrontent McGill au stade Percival Molson. Et, en fait, autant féminin que masculin. Et du côté féminin, il y a Bishop aussi qui sera au programme cette fin de semaine. Donc, les Patriotes qui affrontent Bishop dimanche. Bishop n'étant pas présent chez les hommes, il n'y a pas de match, évidemment, contre ouais. cette université. Qui on dit chaque semaine, mais il faut s'en rappeler. On dit chaque semaine, ouais. mais il faut s'en rappeler. Mais oui, c'est ça. Donc, tu vas répéter tout le temps ce que je dis? Hein? Oui. OK. Je vais répéter tout le temps ce que tu dis. Je veux juste rappeler que Bishop, c'est l'université qui était tannée de se faire planter au football et ont décidé d'aller jouer dans les provinces atlantiques. Tu sais. Je joue plus. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un peu. Un peu. Mentalité de perdre. Je sais pas ce que t'en penses. Ok, bon, c'est ça. Fait qu'ils disent. Ben là, je veux dire, t'es pas prêt à perdre. Si t'es pas prêt à perdre. Prochaine compétition de cross-country, c'est samedi. 14 octobre, c'est à Carlton. 6 km est au programme pour les demoiselles et 10 pour les messieurs. Donc, c'est la dernière course de la saison régulière. Et après ça, c'est le championnat provincial le 28 octobre. Carlton, on parle dans l'Est, là, complètement, Carlton? Oui, en Ontario. En Ontario, OK, je pensais Carlton. Non, Carlton, okay, Ontario. Carlton. C'est bon. Les Ravens de Carlton. Ben, je trouvais que c'était loin. Ben, c'est un peu loin. Aussi, mais moins. Ben, ça dépend. Là. Pour Chicoutimi, ça commence à être loin. Oui, vraiment. Rimouski aussi. Mm-hmm. Donc, dernière course de la saison régulière. Ensuite, ce sera les championnats provinciaux au parc Maisonneuve de Montréal. Alors, ça fait pas de neige. Ben, il devrait pas. Là. Il fait assez chaud encore. Ouais. Il fait juste mouiller, mais il fait chaud. C'est tout. Voilà. Merci, Marc-Olivier. Ça fait plaisir. Quand même, pas de petit sport bizarre aujourd'hui? Ouais. J'ai pas de tu sais, c'est comme une entre-saison. Là, ouais. Tout commence. Je regarde beaucoup les séries du baseball majeur présentement. Très intéressant. C'est du bon baseball pour ceux qui aiment le baseball. Je sais que t'aimes pas le baseball, Mathieu. Ben, j'aime pas les sports, tu sais. C'est ça, en général, point. Ouais, mais qu'on parle des ex, c'est en compétition. Ouais, mais sinon, il devrait être un expert. Non. C'est lui qui fait la mise en onde. Je fais tout sauf écouter. C'est ça, exactement. Je pense que c'est ça la difficulté avec Mathieu et les sports. Mais c'est tellement plate. Pourquoi mais est-ce que j'aime pas ça? T'as pourquoi? Surtout pas juste l'audio. Ouais, regarder, il faut quand même fun. S'intéresser à ce qu'on aime pas. Hein. Mais pourquoi t'aimes pas le sport? Parce que, ben, je sais pas. Pourquoi est-ce que t'aimes pas, je sais pas, autre chose? Dis-moi de quoi que j'aime pas. Pourquoi est-ce que t'aimes pas autre chose? Non, mais c'est une question de goût, non? T'es pas obligé. Mais mettons que t'aimes pas quelque chose pendant 3 ans. Ça se développe un goût. Ouais, mais c'est ça, Tania me dit genre, ah, mais fais juste écouter beaucoup puis tu vas finir par aimer ça. Ouais, mais si après 3 ans j'aime pas ça, c'est comme, même après 3 semaines. Mais tu l'écoutes sais. Pas. Ouais. Tu l'as dit toi-même. Non, mais je l'écoute assez pour savoir que c'est plate pour moi. Ok. J'entends ces phrases. À ça, notre ami Simon La Liberté. Oui, mais là, c'est pas un exemple. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas Hey. Soyez pas méchants avec oui, notre... On l'aime, Simon. Oui. Co-animateur. C'est pas vraiment un co-animateur, mais un collègue. Oui, collègue. C'est ça. Ben, on collabore ensemble. Des fois, on se fait référence l'un à l'autre. Non, mais, exact. Ce que je veux dire, c'est que personnellement, j'aime pas écouter le sport en français, point barre. Ah, ouais, c'est ça. Moi, je l'écoute en anglais. T'écoutes en anglais? Oui, il est pas mal tout le temps. C'est ça. L'autre fois, tu parlais de. Parce que j'ai fait mes devoirs là-dessus. Oui. Là. On peut pas annoncer de médicaments au Canada. Là. Fait que quand l'autre fois, on parlait d'annonce de médicaments de Viagra, là, on doit avoir un affichage comme dans genre le baseball est présenté par Viagra, mais il n'y a pas de publicité de Viagra après. C'est quasiment de la publicité. Ouais, non, mais il n'y a pas de publicité de 30 secondes après. Ouais. C'est ça. Ben, c'est ça que j'ai vu qui n'était pas légal. La publicité Canada. De 30 secondes? Ouais. Je sais pas. C'est pas moi qui est spécialiste de la publicité. Hein, comment on dit, t'es différent d'une publicité? Ben, du côté des sports, j'ai jamais fait de publicité, donc je pourrais pas vous dire. Bref. Ben, en tout cas, c'est quand même dadon que le Viagra, comment dit le baseball, là, ça prend des battes dures. C'est ça qu'on avait dit la semaine passée. C'est ça. Bref. Excusez, le jeu de mots était facile. Ouais, ben tiens, on est là. Il est 8h30 là. On est là pas ça. Encore à 8h30, je vais être en cours. Ah, ok, ça veut dire qu'il faut qu'on s'arrête là. Pas mal. Pas mal. Merci. 8h24. 8h24. Bon cours. Plaisir. Bon merci. Cours de quoi? De démarche et recherche en éducation. Démarche érotique, parfait. Bonne chance, Marc-Olivier. On écoute The Pack 80. Voici Dollhouse, la petite maison de poupée. C'est cute. Cool, ah. Tout assemblage requis jusqu'à 10h. Hein. Just relax, have no fear. de Pac-80 avec Dollhouse à Assemblage Rocky. Au retour, c'est Dominique Mabungu qui s'en vient avec sa chronique Voix d'Afrique. Qu'est-ce qui s'en vient tantôt, Dominique? Dis-nous. Bon, donc, tantôt, on va parler de blogs et tout avec quelques blogueuses africaines, en tout cas célèbres, qui ont un peu de succès sur le continent. Parler un peu de sport. Là, dernièrement, il y a eu des qualifications pour la Coupe du Monde. Il y a déjà peut-être deux pays africains qui ont réussi à avoir leur ticket pour ça. Parler un peu de cinéma aussi, d'un film que j'ai regardé en fin de semaine qui s'appelle Get Out. C'était une belle expérience aussi. Et puis, parler un peu d'entrepreneuriat aussi avec deux entrepreneurs que j'ai découvert aussi, qui sont dans le domaine de l'hôtellerie et aussi dans le domaine événementiel aussi. Cool, on en parle au retour dans Voix d'Afrique à Assemblage Rocky. Restez là. Assemblage Rocky pour toi, aujourd'hui. C'est fou, c'est fou. 89. Assemblage Rocky pour toi, aujourd'hui. On est toujours à Assemblage Rocky, accompagné de Mathieu Plante. Et de Tania Baudin. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de regarder, Mathieu, qu'est-ce qui se passe du côté de la Californie, parce que j'ai des amis qui vivent là-bas. Ouais. Et je viens de découvrir que mon ami est vraiment pas loin de là, alors j'espère que tout le monde va bien. On parle de feu de forêt ici. Exactement. Ouais, c'est triste. Bonne chance à tout le monde. Oui, faites attention. Maintenant, on passe à Dominique Mabungu, que voici avec Voix d'Afrique. Je l'aurai dans la tête chaque semaine, cette intro de Chronique Lab. Donc, Dominique Mabungu, Voix d'Afrique, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour Tania. Bienvenue dans le studio. Alors, on a parlé un petit peu de ce qui s'en venait tantôt. Donc, beaucoup de sujets, toujours très très variés. Tu passes d'un sujet à l'autre à vitesse déferle devant nous, c'est le fun. Donc, de quoi est-ce qu'on parle pour commencer? Bon, pour commencer, on va parler un peu de blog. Donc, je vous parlais de Linda Ikeji. C'est une blogueuse nigériane de 37 ans. Et elle gagne, en tout cas, elle gagne sa vie grâce à son blog, en fait. Et dans le fond, elle s'est lancée au tout début avec l'arrivée d'Internet et tout. Ça fait maintenant 6-7 ans qu'elle a commencé à faire ça. Et après, au début, c'était vraiment un blog personnel et tout. Elle apprenait à bloguer, à mettre un peu... partager ses informations et tout, et à l'heure où on se parle, c'est le blog le plus regardé, le plus suivi aussi au Nigeria. C'est devenu en tout cas une femme d'affaires à part entière, parce que elle a réussi à tirer des revenus de ça, c'est-à-dire grâce à la publicité. Ouais, c'est et tout, et ça s'avère que c'est très très payant. Là, elle est quasiment devenue millionnaire. En dollars, elle vit vraiment bien de ce blog là et puis là maintenant elle essaie de se bâtir un empire médiatique. Donc là, je vois qu'elle a aussi des chaînes de télé. Bon, pas des chaînes de télé, mais elle présente YouTube. Des talk shows sur Internet, ouais, en fait. Ça. Donc elle a ses propres studios et tout ça financé sur fonds propres, juste avec l'argent du blog. Pas de grande compagnie derrière ça. Si, donc elle vit vraiment entièrement de ça et puis des revenus de pub. Et puis à côté de ça, c'est quand même aussi une star aussi sur les réseaux sociaux quand même, tu vois. Et puis son blog, elle parle un peu de tout, pas que des informations du Nigeria. J'ai jeté un coup d'œil, il y a vraiment des informations sur à l'ensemble de la planète, tu vois. Mais principalement, c'est le Nigeria et tout. Et elle parle un peu, c'est un peu comme des gossips, un peu de, ouais, des potins et tout, peu, c'est ouais. ça. sur l'actualité, people, et etc. Typiquement féminin comme public, j'imagine. Stéréotypiquement. si, stéréotypiquement, on pourrait dire ça. Et puis, je trouve que c'est pas mal, parce que c'est une forme aussi d'entrepreneuriat aussi. Bon, je pensais pas que c'était... jusqu'à ce qu'elle l'ait fait, les gens pensaient pas que c'était forcément possible de pouvoir tirer un revenu. C'est pas un marché énorme, le Nigeria, j'imagine. Ben là, si, oui. Oui, quand même, ok. Ouais. Ils sont vraiment, ben, je pense que là, dans 5, ils seront à peut-être 500 millions d'habitants bientôt, okay, plus que les États-Unis. Oh, quand même. Ah ouais. Ouais, bientôt. Il y a vraiment beaucoup de gens là-bas. J'avoue mon ignorance complète de ce fait, c'est énorme. Ouais, c'est un grand marché, c'est pour ça qu'elle tire autant de revenus de ça. Et puis, donc moi je trouvais que c'était intéressant parce que c'était une entrepreneur peut-être 2.0, tu sais, elle sort même pas de chez elle. Hein. C'est ça. Elle est tout le temps... C'est la vie rêvée, je pense. Il y a tellement de jeunes de nos jours qui veulent faire ça, on les voit sur YouTube tout le temps, mais il faut avoir un certain talent, puis elle, apparemment qu'elle l'a. Ben c'est ça, et puis un bon sens aussi du commerce, je peux dire, quand pour pouvoir... Savoir se vendre. Si, savoir vendre ça, et je pense qu'elle a réussi à le faire, et puis c'est bien, et puis ça peut motiver aussi peut-être d'autres personnes qui... Pourquoi pas à partir un blog. Hein. Ouais. Elle s'appelle comment encore? Elle s'appelle Linda Ikeji. Ikeji. Oui, avec c'est I-Q-E-J-I. Parfait. Donc sur Instagram, sur Twitter et tout. Ouais. Elle a beaucoup d'abonnés, donc vous pouvez aussi aller jeter un coup d'œil à ça aussi, ça serait pas mal. Donc à la suite de ça aussi, j'aimerais parler un peu d'un autre domaine d'entrepreneuriat aussi, mais ça c'est plus dans l'événementiel en fait. C'est un entrepreneur ivoirien qu'on appelle Marc Avenier. C'est-à-dire lui, il a fait fortune dans l'événementiel et les chapiteaux en fait. Okay. C'est-à-dire les sociétés et un peu partout on le contacte lorsqu'il y a des grands salons, lorsqu'il y a des présentations et tout. Ça, ben, en tout cas, il reçoit vraiment la majeure. Ben, c'est l'un des acteurs, en tout cas phare, en tout cas de l'événementiel. C'est des jeux gonflables. C'est le fun, les jeux gonflables. Je pense que je vois. Faut qu'il y ait ça dans un party. Non, je pense que. C'est le chapiteau, table et autres. Table et autres. Si, ouais. Et apparemment, c'est un gros marché parce qu'il en tire aussi un très bon revenu. Et puis, faut dire qu'il est financé uniquement aussi sur fonds propres, en fait. Ouais, c'est ça, c'est des personnes d'affaires qui ont parti de rien puis qui ont créé quelque chose. Si, et la plupart, elles n'ont pas besoin d'attendre un financement d'une banque et tout, qui serait peut-être long ou qui n'auront pas forcément. Mm-hmm. Donc, ils ont réussi à trouver le moyen de se financer. C'était une bonne idée à la base et un marché qui n'est pas rempli encore. Dans ce cas-là, j'imagine que c'était pas. Il n'y avait rien d'aussi bon que ce que lui offrait. S'il est devenu aussi populaire. Non, si, c'est vrai, il n'y avait rien de si bon. Et puis, bon, Marc Avenier, bon, en tout cas, de ce qui. C'est un étudiant, en tout cas, il était en France et tout, faisait des études et tout. Et c'était assez sous-payé, il ne gagnait pas très bien sa vie avec ça. Donc, il a décidé de rentrer chez lui en Côte d'Ivoire et de se lancer dans l'événementiel parce qu'il y avait. Parce qu'il y avait, en fait, deux grandes salles et tout, qui étaient en tout cas les salles les plus connues un peu, que tout le monde se disputait, tu vois, mais vu que tout le monde ne peut pas les avoir, il fallait bien trouver un moyen pour la demande, parce que la demande, elle était là, et donc... Une alternative à ça. Si. Et donc, lui, là, il a pensé au chapiteau, et il s'est lancé là-dedans à faire, tu sais, il en a de toute taille, des petits, des moyens et tout, pour toutes sortes aussi d'événements. Et sa société, on fait beaucoup appel à elle. Et il remporte beaucoup de contrats. Et lui aussi gagne très bien sa vie avec ça. Donc c'est Marc Avenier. Et puis vous pouvez regarder des vidéos, essayer de taper, voir un peu ce qu'il fait et tout. Et puis ça pourrait. Ivoire, ça. Côte d'Ivoire. Ivoire, ça. Donc c'était ça pour Marc Avenier. Et puis. Donc tantôt je vous parle aussi d'un peu de cinéma aussi, d'un film que j'ai regardé ce week-end qui s'appelle Get Out. Okay. C'est un film d'horreur où il y a, en fait dans le fond l'histoire c'est un jeune garçon noir qui sort avec une fille blanche et elle l'invite avec ses parents et tout, tu vois, en campagne et tout. Mais il se trouve en fait que ses parents en fait ils kidnappent comme c'est en fait elle envoie des copains à ses parents qui font des expériences sur eux en fait. Ok. Tu vois. Donc c'est un peu comme et c'était que des noirs en fait. Ouais, ben le cliché du film d'horreur veut que la personne qui est noire meure en premier. C'est tout le temps, c'est classique. C'est tout le temps ça. Tout le temps ça. Donc là un film où il y a seulement des noirs. Tu te demandes, ok, ils vont tous mourir un après l'autre. En tout cas, les anciens copains de la fille, ils sont tous morts là. Ouais, hein. Mais celui, le principal, il réussit quand même à survivre à la fin. Mais j'ai trouvé spoiler. C'est ça. Oups. C'est le personnage principal. J'espère qu'il va survivre. Tu sais, non? Si on veut qu'il y ait une suite à ça. Je sais pas. Donc, non, je vais pas trop en dire, mais juste pour rester un peu aux alentours. Ouais. C'était... Il le regrette un peu d'avoir ouais, dit. Hein? Ouais, hein? Ça arrive. Donc, j'ai trouvé le film très, très intéressant. Puis beaucoup d'humour aussi. Tu vois, Marie, c'est un film d'horreur. Et puis, c'est l'ambiance, comment c'était réalisé déjà avec, avec la musique et tout. C'était un film que je conseille quand même aux auditeurs de jeter un coup d'œil quand même. Mais dis-nous quelques petits bribes de les parents font des expériences de quel genre? Ben en fait, dans le fond, la mère de la fille, elle est comme hypnotiseuse en fait. Okay. Et quand la fille, elle lui ramène un de ses copains, elle hypnotise en fait. Et puis, c'est avec une tasse en fait, tu vois, juste en tournant une tasse dans une tasse de thé. Ouais. Et pareil, ça hypnotise la personne, tu tombes comme dans... Ah ouais. Et dans le fond, il prenait soit tes organes en fait, pour elle le remplaçait sur peut-être, mettons, ben là, c'était comme, ils font comme des événements à chaque année en fait, et chaque fois qu'ils envoient un nouveau copain noir, genre, elle le piège, elle l'hypnotise, et puis, les parents de la fille amènent, leurs amis, et ils votent aux enchères le noir qu'ils veulent, en fait. Aïe, ok, C'est-à-dire, mettons, dans le film... Y a-t-il un commentaire social là-dedans? Non, c'est ça! Je sais pas, c'est quelque chose. Et, dans le fond, je prends un exemple, il y avait comme, dans le film, il y avait un vieux qui n'avait pas, qui était aveugle et tout, et dans le fond, lui, il a racheté, il a fait une offre pour l'acteur principal, tu vois. Et dans le fond, on allait l'hypnotiser pour échanger les yeux, en fait. Ah, ok. Ah, oui. Transférer des dons d'organes de la personne qui se fait amener. Ah, wow. C'est intriguant quand même comme film. Get Out. Get Out, donc c'est un film à peut-être aller regarder pour ceux qui souhaitent avoir une petite expérience aussi. Moi, je ne l'ai pas trouvé trop horreur, mais c'était un peu... c'est un peu mix quand même, mais ça le faisait avec la musique et tout. On était quand même dans l'ambiance un peu psychologiquement particulier. Si, c'est vrai. Mais c'est un film à regarder quand même que je conseille aussi aux auditeurs, pourquoi pas. Cool. Et suite à ça, je voulais parler un peu de sport, comme je le disais, des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2018 en Russie. Donc l'année prochaine, et cette fin de semaine, il y a deux nations africaines qui ont eu leur billet pour ça. C'était le Nigeria et l'Égypte en fait. Donc ça faisait quand même longtemps que les deux pays n'avaient vraiment pas participé à la Coupe du Monde. Ça faisait quand même une bonne dizaine d'années qu'ils étaient présents sur deux équipes qui sont présentes sur le continent quand même, qui ont de très bons résultats, qui remportent vraiment beaucoup de trophées. Mais jamais assez pour pour se rendre. Quand vient la période des qualifications pour la Coupe du Monde, ils font partir de ceux qui sont pas présents. Et là, ça fait c'est vraiment intéressant qu'ils puissent... Ils étaient dû. En tout cas, on peut dire qu'ils étaient dû. Et là, leur population les attendait quand même depuis ferme, tu vois, parce que en Afrique, le foot, c'est un peu, des fois c'est un peu poussé, tu vois, il est déjà arrivé par le passé. Ça c'était pour au Cameroun, que un joueur, après avoir manqué un penalty et tout, sa maison s'est fait incendier. Wow, c'est dans ben rough. On répète là, il a manqué un penalty, c'est un tir de genre de penalty, c'est, truc c'est, ouais. Puis les gens ont incendié sa maison parce qu'il a manqué ce coup-là. Ouais, parce que c'était un coup trop décisif. Ben c'était une voyons donc. Ouais, non, vraiment, ils ont cassé sa maison et tout. Ça dépasse l'entendement, c'est ça, là, j'aurais jamais pensé. Mais non, histoire vraie. C'est pas vraie. Dans Get Out, là, où il y a un film comme ça. Ça serait un bon film si c'était fictif. Non, c'est pas fictif. Et c'est vraiment, les gens, ils vivent vraiment... Bon, je pense que ça devrait rester quand même sur les terrains, mais tu vois, des fois, ça dépasse aussi un peu. Vraiment, mais t'as raconté cette histoire-là comme si c'était juste normal, donc ça doit pas être une des pires histoires. Non, ils ont mis sa maison en feu. Non, mais dans le fond, parce que, lui, il a eu quand même la vie sauve, tu vois. Mais, en Colombie, il y a un gars, il s'est fait tuer quand même, tu vois. juste lui aussi pour un penalty. Ouais. Aïe. Mais lui, forcément que lui s'est fait tuer, tu vois. Donc. Ouais, donc ça c'est pire. Là, t'aurais vraiment dit, t'aurais pris un ton plus outré. C'est rough. Hein? Ah, ok. Ben, j'en reviens pas. Et encore une fois, je suis le gars qui comprend rien au sport. Et ça, ça dépasse vraiment ma compréhension totale. Non, mais donc voilà, je sais que ces deux pays-là sont. Mais il y a encore d'autres nations qui sont en lice et tout. Et puis, tu sais, là, je prends la Côte d'Ivoire quand même, qui reste. Ils ont un dernier match pour essayer de prendre, de décrocher leur billet et tout. Et puis, bon, après, il y a certaines qui, c'est sûr qu'elles ne participeront pas, tu vois, comme le Congo-Brazzaville, qui est mon pays, mais qui ne participera pas, ça c'est sûr. Ah non? Non, mais là, justement, on a perdu contre l'Égypte. Ah, ok, ok, donc, c'est plus chanceux là-dedans. Ouais, donc, voilà. Est-ce qu'habituellement, le Congo sera en finale? Non, même pas. Okay. Donc, mais tu les suis quand même, c'est ton équipe quand c'est même. C'est ça, je suis quand même, tu vois, et... Bon, avec faut faire l'habitude, quoi. On est souvent fan d'équipes perdantes au Québec aussi, fait qu'on sait ce que c'est, hein? On te comprend. On te comprend. Ça sent la coupe. Mais c'est ça, exactement. Ça sentira plus dans pas long. Non, là, ça sent pas du tout, là. Non, hein. Mais en tout cas, pour les amateurs de soccer et tout, ben, tu sais, regarder aussi des matchs aussi de quelques équipes africaines en lice, ouais. Ça peut être aussi intéressant et tout. Et puis, bon, il y a des joueurs quand même qu'on connaît pas forcément, mais qui sont là, qui montent quand même, et puis qui essaient de progresser dans ce domaine-là. Mm-hmm. Donc, c'était pour... Tu les suis comment, les équipes que tu suis en sport, étant au Québec? Est-ce que tu te procures ça illégalement ou tu as un bouquet de télévision payé à plusieurs centaines de dollars par mois? Non, juste sur Internet, non, ouais, sur des sites streaming et tout, de matchs. Donc, je jette un coup d'œil et tout au match rapidement et tout. Mm-hmm. Et puis, ou des fois, juste aussi sur les réseaux sociaux, tu vois, sur Twitter... Tu sais, je follow en tout cas quelques comptes de foot et tout. Ouais. Donc, quand là, si je parle les temps, je regarde juste les scores et tout, puisque c'est au fur et à mesure qu'on dit et tout. Donc là, s'il y a peut-être un but, là, si je peux, je mets l'ordi rapidement pour... Ouais, c'est ça. Tu reçois une alerte, là, il y a un but qui vient d'être compté, fait que là, tu vas voir la reprise instantanée sur Internet. C'est ça, et puis bon, voilà, comme ça, parce que des fois, on n'a pas tout le temps le temps aussi de suivre tout à cause du décalage horaire aussi. Ici, c'est là-bas, c'est quand même en fin de journée. Ici, c'est quand même peut-être au début ou à la mi-journée. On n'a peut-être pas forcément le temps de regarder là. Mm-hmm. Mais on essaie de rester connecté quand même avec les réseaux sociaux et tout. Ouais. Essayer de regarder ça. Et donc, ouais, ensuite, voilà, je voulais parler un peu de cinéma, en fait. Ah, oui. Et puis, tu sais, là, derrière moi, il y avait un prix qui s'appelle le prix Orisha. C'est un prix qui est donné en France, en fait, c'est décerné aux artistes peut-être africains. Et là, dernièrement, il y a un artiste congolais qui l'a remporté. Et pour un film qui s'appelle Mandougou, c'est c'est comme un mix de Frankenstein, en fait. Okay. Tu vois, okay. Un peu à la sauce un peu africaine et tout. Donc, j'ai regardé quand même un peu le vidéo, et je l'ai trouvé vraiment bon. C'était très créatif, tu vois, surtout pour les moyens avec lesquels ça a été fait. C'était vraiment c'est très très créatif. Une vidéo, elle dure pas plus de 7 minutes et tout, mais j'ai trouvé que c'était bien quand même pour les moyens qui sont faits, surtout pour la créativité derrière quand même, tu vois, de faire quand même, tu sais, parce que le scénario quand même, il était pas mal. C'est un film de monstre, là, t'as dit Frankenstein. Ouais, c'est donc ça, la création d'un monstre. C'est ça, ouais, c'est ça. Donc ils sont mis quand même une petite quand t'as pas beaucoup de budget de faire un c'est film ça, de exactement. Monstre, c'était avec tu sais, Frankenstein, c'était comme un peu, tu sais, de l'aluminium un peu, tu vois, c'est du papier d'aluminium. C'est du papier d'aluminium. Il s'appelle Papillote, le monstre. Non, franchement, j'ai vu ça, j'ai trouvé... Bon, ça m'a fait plus rire qu'autre chose, ouais, tu vois. Ouais. Ah ouais, mais... c'est pas ce qu'il voulait, je pense. Hein. Non, mais en tout cas, je pense qu'il a eu le prix quand même, tu sais, pour l'effort aussi, et puis... Oui. Pour le tape dans le dos, le prix. Ouais, c'est ça. C'est ça, pour l'effort qu'il a mis et continue tout. Comme ça, mon beau. C'est ça, je pense que tu vas y arriver. Tu vas y arriver dans pas long ou peut-être. C'est ça, ben, il faut commencer quelque part. Hein. Ouais, c'est ça, mais donc je trouve que c'est une bonne initiative, ce prix, en tout cas. Et puis pour des jeunes Africains qui veulent se lancer dans le cinéma et tout. Parce que bon, là, je peux dire qu'il n'y a pas vraiment qui sont intéressés par ça. Déjà, du fait que ça demande, il n'y a pas assez les moyens aussi pour les pratiquer. Ouais. Et puis, peut-être les équipements que ça demande, les équipes de tournage, elles ne sont pas forcément complètes et tout. Donc, Mais est-ce qu'il y a moyen, est-ce qu'une fois, j'imagine qu'il y a une industrie plus, pas mainstream, mais plus, pas professionnelle, mais plus à grand budget, j'imagine qu'il y a ça aussi. Ben oui, il y en a quand même. Mais après, on s'entend que c'est pas universel, tu vois. Tu vas pas avoir des films avec des effets spéciaux de folie et tout. Même si, comme tu as dit, il y a plus de monde qu'aux États-Unis dans certains pays. Si, en fait. Ouais. Mais en tout cas, ben, pour le moment, il n'y a pas vraiment des grands budgets, tu vois. En tout cas, bon, de ce que j'ai regardé jusqu'à présent, j'ai pas encore vu un film vraiment qui sortait de l'ordinaire, en tout cas côté effets spéciaux. La porno. Non, je pense pas. Le budget va là. Non, mais je trouvais que c'est quand même, après, c'est plus, ils misent beaucoup sur l'histoire, tu vois. En tout cas, des films que je regarde, bon, à défaut de budget, bon, il y a des petits effets spéciaux, tu vois, mais des fois, c'est pas. Ça manque de réalisme, tu vois. Je sais pas si tu regardes un peu quelques films, tu sais, nigériens ou quoi. Il focus pas là-dessus, il focus sur les textes, les acteurs. Donc on a des effets spéciaux quand même, qui sortent du temps, quoi. Ça date quand même, les effets spéciaux. Ça cause un petit malaise, puis tu passes par-dessus. Aussi bien pas en mettre, tant qu'à mettre des effets spéciaux qui donnent des malaises, mais bon. Hein. Des fois, ça aide à l'histoire aussi. Tout le monde, après on regarde ça comme ça, tu vois. Et après, bon, après, le budget aussi, il a adapté aussi peut-être, je pense, à l'industrie locale, comme tu vois, on peut pas faire plus que ça parce que c'est un peu difficile aussi après de vendre le film, tu vois. Tu fais aussi du piratage informatique et tout, et puis c'est rare de pouvoir tirer un revenu de ça. Tu sais, à peine tu fais sortir un film, il y a déjà des copies partout sur tous les marchés, donc il n'y a pas des mécanismes de protection, tu vois, qui sont mis en place un peu comme ici, tu vois. Et puis, il n'y a pas de travail aussi conjoint, c'est entre peut-être les artistes, les cinéastes et puis les salles, en fait, tu vois. Ouais. Donc, c'est souvent, ils font peut-être sortir les films en studio indépendant et tout. Après, ils essaient de principalement les diffuser sur Internet, sur YouTube et tout. Donc c'est un peu dur pour eux de gagner un revenu vis-à-vis de ça, quand même. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas trop de personnes qui se lance aussi dans le cinéma et tout. Ils savent que c'est un peu déjà perdu d'avance. Même, tu vois, il faudrait quand même une réforme avant quand même de pouvoir investir des gros moyens, parce qu'il faut être sûr. Tu sais, je prends l'exemple ici, quand on fait sortir un film, on sait que ça va être rentable, tu vois, on a les moyens de récupérer l'argent du film, c'est le piratage, il est moins important qu'ici, tu vois. Au pire, les gens le regarderont peut-être sur des sites streaming, tu vois, mais même à ça, tu sais, les gens préfèrent le regarder en salle et tout. Donc, un événement où tout le Québec a vu le même film. C'est ça, tu vois. Donc, il est rentable quand même, le film. Donc, comparativement à là-bas où les personnes n'iront pas forcément en salle et tout. Et puis, faut préférer le télécharger ou illégalement et tout. Et j'imagine qu'ils se téléchargent les blockbusters américains. Sûr. Tu sais, j'étais allé au Maroc il y a, je sais pas, en 2010, je pense, la dernière fois. Mais je suis allé, c'était quel film là, il y a des films qui sortaient genre lundi aux États-Unis, tu sais, et peut-être mercredi ou jeudi, il était déjà déjà au marché, quoi. C'est fort quand même, ça. À la Médina. Qu'ils se fassent pas prendre avec leur caméra dans le cinéma. Non, c'est ça, franchement, le film, il était déjà là, quoi. Il était déjà en CD et tout, alors qu'il était même pas sorti ici en CD, tu vois. Incroyable. Là-bas, ils le vendaient déjà en CD, donc... Tout un marché, hein. Donc voilà, quoi, il n'y a pas de... Donc le marché de cinéma, il est encore un peu loin de percer quand même. Ouais. C'est ça, et puis... en plus, en fin de semaine aussi, un peu d'autres de sport. J'ai participé à un tournoi de soccer ici, c'était le tournoi des Patriotes. Oui. C'était en fin de semaine malheureusement, on a perdu en demi-finale. Ah. Et contre une équipe de Montréal, ils ont vraiment très bien joué et tout. Mais dans le fond, l'expérience elle-même, elle était vraiment intéressante en tout cas. Et puis j'ai vraiment pris du plaisir à jouer avec, il y avait des équipes un peu de partout, de Montréal et puis je sais pas, d'autres villes aussi. Et puis d'autres aussi, des équipes d'étudiants de l'UQTR. Et puis c'était en tout cas un bel événement sportif. C'était amical, j'imagine que c'était pas... C'était amical, mais il y avait quand même un prix à la fin, tu vois. Il y avait quand même $400 à remporter à la fin, quand même. Et on est quand même passé à côté, tu vois, de... Ouais, la demi-finale, quand même. je l'ai un peu mauvaise, mais voilà. C'était... Ouais, on aurait quand même aimé jouer la finale, quand même, mais bon... c'est le sport, hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, on peut pas tous gagner. Ouais, bon, ben, en tout cas, félicitations, hein, oui, ou, ouais. à l'équipe gagnante, en tout cas, pour avoir gagné. Et puis, du courage à nous, hein. Oui, courage. Ça, un jour, ça va bien aller. Ouais, un jour, ça va bien aller, on espère quand même, en tout cas. Mais voilà, ouais, c'était pour dire aussi, ben, il n'y avait pas aussi tant d'équipes que ça, mais bon, quelques-unes. Et puis, donc, juste parler un peu de l'événement, peut-être s'il y a une édition l'année prochaine et tout, qu'il y a des étudiants, tu sais, qui aimeraient juste s'inscrire et tout, juste pour le fun. Mm-hmm. Je pense qu'il y a moyen de le faire et tout, et puis de participer juste pour le sport quand même. Et puis, ça peut être intéressant avec plus d'équipes aussi. Parce que là, je pense qu'on n'était pas vraiment, on n'était pas trop nombreux, en fait. Je pense pas qu'on arrivait à peut-être 8 équipes, je pense. Okay. Donc, le tournoi était de 9h et il est fini, je pense, peut-être 4h et tout. Mm-hmm. Mais dans le fond, c'est fini un peu avant pour nous, tu vois, comme on était. Vous étiez sur le banc, mais quand même. Ouais, comme on s'est fait éliminer, je pense, quand on est. Après, moi, j'ai pas regardé jusqu'à la fin, tu vois. Oh non! Ouais, mauvais perdant. Je suis rentré directement chez moi. C'est comme une longue journée, normalement. Ouais, quand même. Ça commence tout. C'est ça, donc. Pour la fête, ça, non, je parle. Donc, c'était ça, c'était le mot de sport qui conclut ta chronique. Ma chronique. Voix d'Afrique. Qu'on fait tous les mardis matin comme ça à 8h30. Dominique Mavungu, merci beaucoup. Merci beaucoup. On a hâte de te revoir la semaine prochaine. Moi aussi. Merci. On s'écoute une pièce. C'est une nouvelle entrée du palmarès francophone. On l'écoutait un petit peu avant l'émission pour voir si on commençait l'émission avec ça. On s'est dit non. Mais on peut la faire jouer plus tard dans l'émission. Oui, en effet. C'est celle de WD40 qu'on écoute. Voici La mère des tourments à Assemblage Rocky. Oh, la météo, hein? Ça sent bien. Oh, il. Tout à Assemblage Rocky. Sur ce. 89 ans, famille. l'air des tourments de WD-40 à Assemblage Requis. Au retour, Tania is gonna entertain. Ouh. Assemblage Requis pour toi, aujourd'hui. Vous êtes assez fous. 89. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Assemblage requis en ce mardi matin 10 octobre 2017. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Oui, 9h01 en ce moment. Pas mal exactement le moment que j'attendais pour pouvoir te laisser parler un peu, Tania Baudin. Voici Tania is gonna entertain you. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école c'est Tania. And she's gonna do the She's gonna do the. Oh, l'éternuement s'en vient, non? Pas l'éternuement. Je sais pas, probablement, peut-être pendant que j'étais en train de parler. Ouais, sûrement. On va surveiller ça. J'espère que non. On a un petit symbole dans le coin de l'écran qui nous avertit qu'un éternuement s'en vient. Exactement. Dans les breaking news plus tard. Tout à fait. Donc aujourd'hui, on parle justement de fausses nouvelles et d'algorithmes de recherche. Oui, exactement. Parce qu'on sait, c'est un petit peu ce qui fait vivre les journalistes ces temps-ci, les fausses nouvelles, algorithmes, arriver à justement pouvoir faire la vérification des faits. Ouais. Et qu'est-ce qui est optimiste et qu'est-ce qui est incertain encore? Parce que c'est un sujet qui est assez, je veux pas dire assez tremblant, mais je veux dire, c'est quand même assez d'actualité. Ben oui. C'est quand même assez difficile aussi à pouvoir gérer. Pour ceux qui savent pas qu'est-ce qu'une fausse nouvelle, c'est une nouvelle qui est créée, bien évidemment, sur Internet ou sur un réseau social. Et par la suite, c'est diffusé. Ça se propage tout seul, presque. C'est ça, quasiment tout seul. Et on le sait tous un petit peu, Facebook, Google, ça fonctionne par algorithme. Alors, veux, veux pas, tout ce que tu as déjà touché qui semblait avoir des fausses nouvelles à l'intérieur, t'as de fortes chances de pouvoir te retrouver avec de fausses nouvelles sur ton fil d'actualité, comme on aime dire, sur ton mur d'actualité. Alors, ça devient un petit peu problématique pour tout ce que les gens disent autour de nous, en fait. Parce que le mouvement journalistique, les vérifications de faits, c'est quelque chose dans lequel on devrait être à l'aise, on devrait vérifier nos faits, mais bon, plus facile de prendre pour acquis que si c'est sur Internet, c'est vrai, tu sais. Tout à fait. Et ça suscite aussi un grand questionnement du côté du travail des journalistes. Ouais. Parce que est-ce qu'on doit, en tant que journaliste, seulement s'informer par rapport à ce que nous, on sait? Est-ce qu'on doit s'informer par rapport à ce que les autres stations vont maintenant dire? Les journaux, les télés, les radios, peu importe. Je pense que c'est pas mal trois sources sûres ou trois sources près de l'événement ou de l'enjeu ou du sujet. Tout à fait, mais il y a aussi des chercheurs présentement qui tentent de mieux comprendre la façon dont ça se propage, ces fameuses fausses nouvelles-là, ces fausses informations-là. On parle de développeurs aussi qui rêvent de technologies capables de corriger la déclaration de, par exemple, un politicien réel presque. Tu dis politicien, il faut faire la différence entre fausses nouvelles telles que tu viens de l'expliquer et fausses nouvelles telles que Donald Trump l'utilise en disant « bon, ça, c'est des fausses nouvelles parce qu'il n'est pas d'accord avec. Parce qu'il n'est pas d'accord. C'est pas la même parce chose. Que tout ce qu'il dit est faux. Ouais, bon, ça. Oui, bon, oui. Exact. Ça va, ça. Non, ça mais va... Donald Trump, on l'a vu, il a créé des mots. Il a créé le mot fake news, d'ailleurs, à l'expression. Exactement, ça existait il a créé pas avant. Cette expression-là. Ouais. S'il est capable de pouvoir dire un mot tout simplement parce que lui, il l'a dit et maintenant, ça existe. Ouais, même bon. Si les gens l'utilisent depuis 1932. Exactement. Comme ça, c'est nouveau de lui. C'est tout le temps lui qui a inventé ça. Tout à fait. Donc, on cherche en fait à savoir un petit peu l'impact de la vérification. Mmh. Et il y a un journaliste canadien, Greg Silverman, qui est spécialiste des fausses nouvelles. Et il a parlé avec l'agence Science Presse du potentiel de collaboration justement entre les journalistes et les chercheurs. Parce qu'il faut se le dire, le travail journalistique de vérification des faits, c'est déjà dans leur tâche. Ouais. Ils font ça depuis des années en théorie. Si vous êtes un bon journaliste, vous savez d'où ouais. votre nouvelle arrive, vous savez comment la contrôler et vous savez comment la propager. C'est le but donc, du journalisme, on invente exactement. Pas les en plusieurs endroits, le résultat d'alliance entre justement ces deux univers-là, c'est-à-dire la recherche et le travail journalistique, eh bien, si on se pense du côté de l'Université Duke, on a un reporter lab qui est dirigé par Bill Adair, qui est factcheck.org, donc ça a été créé du côté de l'Université de Pennsylvanie, et le projet français CrossCheck, qui lui a été créé par la coalition First Draft News, ça rassemble des partenaires qui sont universitaires, mais qui sont aussi médiatiques. Donc, on a une espèce de consensus du côté des chercheurs et du côté des journalistes déjà dans le métier pour se dire justement qu'il faut arriver à contrer ces fausses nouvelles-là, à chercher aussi comment est-ce que ça se propage, pourquoi est-ce que ça se propage aussi rapidement des fausses nouvelles. Donc, en juin dernier, la fondation Knight a annoncé qu'elle allait allouer 1 million de dollars à 20 projets de ce type-là. Donc, qui sont destinés, en fait, à combattre le flot de la désinformation. Et parmi eux, bien, il y en a plusieurs qui visent à analyser l'audience des désinformateurs. On en a déjà parlé. Comment est-ce que tu deviens une bonne personne pour les fake news, un bon public de ce côté-là, mais aussi la façon dont il y a des efforts de vérification qui peut justement arriver à contrer cette espèce de nouveau domaine-là. Donc, on le sait, Facebook et Google ont déjà mis la main à la pâte à ces beaux projets-là. Par ailleurs, il y a la collaboration qui a été lancée en décembre, justement entre Facebook et différents médias qui réjouissent un petit peu la population de ce côté-là. Et il y a aussi Google qui a investi dans des technologies et qui a ajouté l'étiquette fact-check ouais. à son fil de nouvelles. Donc, si vous allez, par exemple, sur Google, pour ceux qui vont jamais sur Google, je vais vous le dire, mais si jamais vous allez sur Google, vous tapez quelque chose, eh bien, vous allez avoir soit un rond vert avec un crochet à l'intérieur, soit un rond gris, ou soit un rond rouge. Oui. Évidemment, si vous regardez ça comme ça, ça fonctionne par algorithme bien souvent. Ça fonctionne aussi par cette étiquette de fact-check. Donc, si votre rond est vert, vous êtes correct. La nouvelle devrait, en théorie, être vérifiée et bonne. Si vous regardez le gris, c'est qu'on n'est pas totalement sûr. Il y a des éléments qui peuvent être vrais, comme il y a des éléments qui peuvent ou c'est contesté. Plutôt exactement porter à confusion ou c'est contesté. Et si c'est rouge, bien, c'est qu'on a déterminé que c'était une mauvaise nouvelle. Donc, il y a plusieurs partenariats du côté journalistique qui se fait chez Facebook et qui se fait aussi un petit peu à travers le monde. Et il y a des directeurs de partenariats stratégiques en information et en édition, par exemple chez Google, qui ont présenté leur initiative. Et on a demandé à ce que justement il y ait des prêts pour qu'on puisse partager les données qu'on a entre les journalistes et les chercheurs. Parce qu'on le sait, en temps normal, les chercheurs, ça aime pas tant les journalistes, vice-versa. Parce que bon, ça défait souvent ce qu'on dit du côté des chercheurs. Mais là, c'est vraiment un travail que l'on doit faire à deux si on veut avancer. C'est un milieu qui est encore fragile, les fausses nouvelles, on va se le dire. La question est quand même assez importante si on se penche sur le côté que les vérificateurs ont peu de poids économique. Est-ce qu'on doit mettre de l'argent du côté de la vérification des mauvaises, des fausses nouvelles? Selon un sondage qui a été rempli par des participants, eh bien, le tiers des projets qui a été représenté du côté de Madrid, ça, c'est un sondage qui a été fait dans une conférence à Madrid il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, on roule sur un budget annuel de moins de 20 000 $ et la moitié est de moins de 40 000 $ Donc, c'est peu soutenu. On est peu soutenu des grands médias et on est aussi confronté au fait que ça peut ne pas contribuer à renflouer cette espèce de média-là qui va justement pas nécessairement bénéficier, mais qui va donner de l'argent aussi. Donc, on va s'allier, on va devoir donner de l'argent pour pouvoir justement contrer un petit peu ces mauvaises nouvelles-là. Ça vaut quelque chose, mais est-ce que cet argent-là vaut des réponses qui sont rapides et qui sont exactes? C'est la question qu'on se pose présentement. l'environnement. Parce que oui, c'est un gros problème quand même, les fausses nouvelles. Ça sort très rapidement sur les réseaux sociaux présentement. Et il y a même des nouvelles qui ont été récemment, par exemple, dites dans de grands médias. Et c'était pas encore vrai. C'était pas... Oui, il y avait des sources comme, mettons, on prend par exemple la mort de Tom Petty. Ben, c'est justement celle-là la semaine dernière où on a dit une source dans la... Je crois que c'était la police qui avait dit qu'il était mort, puis finalement, il était pas mort, puis là, finalement, il était mort. Mais en fait, la police avait pas eu l'autorisation encore de dire qu'il était décédé et c'est sorti aux grandes nouvelles. Mais la source qui avait été donnée était quand même la police. Exactement. Ouais. Donc, il faut faire attention de ce côté-là. Il y a aussi une automatisation quand on cherche à vérifier ces fausses nouvelles-là. On parle d'optimisme qui est projeté par les chercheurs, par les journalistes. Donc, c'est un petit peu la prochaine frontière à laquelle on devrait frapper si on parle des fausses nouvelles. On dépend encore dans chaque projet d'humains capables de faire des choix qui sont éditoriaux. Donc, si on regarde le Reporters Lab, on a testé, par exemple, pendant certains débats entre des candidats à la présidentielle américaine, une application qui s'appelle Fact Pop-Up, qui est disponible sur Chrome et qui fait apparaître, en fait, le verdict de PolitiFact par-dessus l'écran du débat. Moi, je me souviens, j'ai écouté, en fait, un des derniers débats entre Hillary Clinton et Donald Trump, et il y avait certains réseaux sociaux qui faisaient ça, du fact-checking au fur et à mesure. Ouais, exactement. Donc, il y avait des lives Facebook qui se faisaient. Il y avait une équipe incroyable. Je pense, entre autres, au McLean's, le magazine canadien McLean, qui a fait ça durant un des derniers débats présidentiels. Donc, par-dessus l'écran du débat, avec des hyperliens vers l'article qui analyse une affirmation semblable à ce qu'un des députés ou peu importe, un des politiciens a dit, bien, ça se fait à l'instant même par les personnes qui sont derrière cette automatisation-là. Un tel outil, ça nécessite deux conditions qui sont préalables, c'est-à-dire un journaliste de PolitiFact qui, lui, s'y connaît extrêmement bien, qui s'occupe d'ajouter des liens au fur et à mesure que va progresser le débat, et aussi... le fait que PolitiFact dispose après 10 ans d'une énorme banque de textes. Donc, il peut faire des recherches croisées entre différents sujets ou des chiffres, des trucs comme tout ça. Tout à fait. Pour réagir justement à toutes sortes d'affirmations prévisibles et surtout les candidats qui se retrouvent dans un débat comme celui-là, à quel point est-ce qu'on a des informations par rapport à eux. Et beaucoup de gens qui ont des connaissances, beaucoup de gens qui sont rapides sur la recherche, ça prend une équipe assez... assez grosse pour faire ça. C'est pas quelque chose que tu fais dans ton salon. Non, seul. C'est ça, exactement. Ça te prend quelque chose autour. Ça prend du temps, évidemment, pour devoir savoir beaucoup de choses du côté politique. On le sait, la plupart des gens qui vont étudier en histoire, bien, c'est les gens qui vont s'y connaître beaucoup, les gens qui vont avoir étudié en sciences politiques aussi. Donc, on cherche à savoir un petit peu c'est quoi le rôle du journaliste pour faire face aux fausses nouvelles dans tout ça. Parce que, bon, grâce à une subvention de Google Canada, la Fondation pour le journalisme canadien et Civix, eh bien, on a établi un partenariat pour mettre au point le programme d'éducation aux médias qui est ActuFuté. La Fondation pour le journalisme canadien, c'est le FJC, pour ceux qui ne savent pas, et Civix, bien, ils se sont mis ensemble. On a créé ActuFuté. C'est un programme d'éducation aux médias qui est rendu possible grâce à une subvention de 500 000 $ de Google Canada. C'est sorti il y a quelques temps. C'est sorti au mois de septembre, donc la nouvelle a été faite. Et on essaie de faire face au problème, justement, de fausses nouvelles ensemble. Ils ont décidé de travailler ensemble auprès de plus de 1,5 million d'élèves canadiens qui sont âgés entre 9 et 19 ans pour justement promouvoir un petit peu une meilleure compréhension du rôle du journalisme dans un système démocratique. Parce que qu'est-ce qui arrive présentement? C'est qu'on a fait des tests du côté du Canada, du côté du Québec aussi, sachez-le. On a pris certaines écoles primaires et secondaires et on a posé des questions aux élèves. On a posé des questions aussi aux professeurs. Et ça... La chose qui semble ressortir le plus souvent, c'est qu'on est beaucoup plus, fouillez-moi pourquoi, mais on est beaucoup plus touché par les fausses nouvelles que par les vraies nouvelles. Donc, toutes ces fausses nouvelles qui n'ont pas encore été validées et ça sort dans les classes. Les jeunes parlent. Donc, ça fait en sorte que lorsqu'on arrive avec un sondage et qu'on demande est-ce que cette nouvelle-là, elle est vraie, elle est fausse, comme un petit peu dans ta chronique, le vrai, le faux. Qu'on va peut-être faire juste après la tienne. Peut-être. Éventuellement. Eh bien, on se rend compte que les élèves ont un plus gros taux de « oui, c'est vrai » quand la nouvelle est fausse. Mm-hmm. Ça fait peur un petit peu parce que, bon, évidemment, c'est les jeunes d'aujourd'hui qui vont un petit peu critiquer politiquement ce qui va se passer plus tard. On dit que la vérité sort de la bouche des enfants. On dit que la vérité sort de la bouche des enfants et on dit aussi qu'un bon citoyen se doit de critiquer, mais est-ce qu'on critique les bonnes choses? Mm-hmm. C'est un petit peu la question qu'on se pose présentement. C'est un petit peu ce qui fait peur aussi du côté de certains journalistes, du côté de certaines fondations. Donc, il y a des fausses nouvelles qui augmentent non seulement la méfiance envers nos institutions, Médiatiques, mais aussi écoles, on s'entend, mais aussi envers les professionnels des médias qui passent beaucoup de temps à essayer d'amener les dirigeants à rendre des comptes. On vous pose des questions, est-ce que vous pourriez nous répondre de façon à ce qu'on n'ait pas besoin de faire des fausses nouvelles? Et non pas faire un petit clin d'œil comme Trump a fait. Hein? Exactement. On veut en fait essayer de favoriser la confiance à l'égard du journalisme et la Fondation du journalisme canadien dit qu'on doit rejoindre la nouvelle génération de consommateurs, c'est-à-dire les plus jeunes, mm-hmm. parce qu'on commence à être sur les réseaux sociaux quand même assez tôt. Maintenant, je pense qu'il n'y a plus d'âge. Non, il demande un âge minimum sur Facebook, mais je pense pas que les gens suivent ces C'est ça, là. Exactement. Moi, bon, c'est arrivé avec le temps où j'avais l'âge. Là, ça a été créé en même temps. Mais on dit que la nouvelle génération de consommateurs d'informations, on doit les assurer qu'ils comprennent bien la fonction du journalisme dans une société comme la nôtre. Oui. C'est surtout le travail d'un journaliste de vous dire les bonnes affaires. Mmh. Donc, si on donne les mauvaises affaires aux journalistes, il y a de fortes chances que les journalistes vont vous dire les mauvaises affaires. Et c'est une initiative qui permet d'entrer en contact avec un public qui va être beaucoup plus jeune. Donc, dans les écoles, tout à l'heure, on parlait qu'il y en a là, des fausses nouvelles. Ça se propage énormément dans les écoles. Et on essaie de fournir aux élèves les compétences dont ils ont besoin pour justement eux-mêmes repérer des sources d'informations qui vont être fiables. Si un jeune, je ne sais pas moi, aime mieux le journal de Montréal que le journal de Montréal, bien, déjà à la base, c'est un petit peu problématique s'il arrive dans sa classe le lendemain matin puis il en parle à 12 élèves. La plupart du temps, c'est vraiment évident que c'est une fausse nouvelle, mais il y a des fois où ça a l'air vrai. Oui, exactement. Donc, Actu Futé, comme je le disais tout à l'heure, qui a été mis au point par Civix, eh bien, Civix, c'est l'organisme responsable du programme Vote étudiant. Donc, c'est en collaboration avec le réseau universitaire et des journalistes de la Fondation du journalisme du Canada. Et le programme se déroule dans le cadre des activités qui coïncident avec les élections provinciales de l'Ontario en 2018, mais aussi d'autres élections locales et provinciales à venir. Donc, vous allez voir Actu Futé vraiment être en branle là, quand il va y avoir des élections. Et les élections fédérales de 2019 aussi vont être un point culminant des activités de Actu Futé. C'est là qu'on va pouvoir voir si ça fonctionne. C'est là qu'on va pouvoir voir justement tout le travail qu'on a fait avec ça. Donc, c'est un accès à des sources d'informations qui vont être fiables, qui vont être essentielles pour participer pleinement au processus démocratique en tant que citoyen. Mmh. Et c'est un petit peu ça, en fait, qu'on veut aussi arriver à donner à nos citoyens. C'est justement le principe de pouvoir se dire « je comprends qu'est-ce qui m'est dit et je sais que qu'est-ce qui m'est dit est faux ». C'est clair, net et précis que c'est ça qu'on veut faire avec Actuité au Québec. Mais il faut aussi accompagner les enseignants là-dedans. On parle des élèves qui ont une difficulté, en fait, à faire la différence entre une fausse nouvelle et une vraie nouvelle. C'est normal. Ils sont naïfs, c'est des enfants. Exactement. Hein? À ce moment-là, on se tourne un petit peu du côté des enseignants et on peut prendre connaissance, en fait, de certains guides pédagogiques pour les enseignants. Ça a été lancé par l'École branchée. Ça vise à... Ils ont-tu des noms qui étonnent? L'école branchée puis le projet futé, là. C'est incroyable. Mais ça vise à accompagner les enseignants en ce qui a trait justement à l'éducation aux médias pour les jeunes. Et on va devoir le faire de plus en plus rapidement. Moi, je me souviens que quand j'allais au primaire, là, j'avais pas de cours sur qu'est-ce que les médias disaient. Là. Non, c'est sûr. Ben non. Ça faisait pas partie de notre vie quotidienne. Si t'arrivais le soir à la maison, t'écoutais les nouvelles avec tes parents. Oui. Déjà, en partant, c'était un petit peu plus vrai. Il y avait pas de réseaux sociaux. C'est vraiment ça, en fait, qui fait en sorte que les jeunes aujourd'hui ont une notion du vrai et du faux qui est sont peut-être moins sceptiques qu'on était, c'est ça. Exactement. Donc, c'est sûr aussi, on se pose la question parce que l'information, ça arrive souvent par algorithme. Oui. Par exemple, si on regarde la tuerie qu'il y a eu du côté de Las Vegas, bien Google, Facebook se sont retrouvés avec des histoires qui étaient fausses, qui étaient rédigées par des gens qui étaient complotistes, donc des complots, complot, exactement, et qui ont pourtant grimpé parmi les top stories un petit peu partout, que ce soit sur Google, que ce soit sur Facebook ou encore Twitter. Donc, il y en a qui disaient qu'il y avait plusieurs tireurs. Exactement, comme ça. Ils sont devenus très tendance les uns les autres, mais ce sont quand même des fausses histoires. Ce sont des algorithmes qui, une fois de plus, ont fait ces choix douteux. Mm-hmm. C'est les algorithmes qui ont fait en sorte que vous avez peut-être vu passer cette fausse nouvelle-là sur votre feed Facebook. Mais chaque nouvelle erreur technique de ce genre-là, si on parle du côté des géants d'Internet, bien, ça fait en sorte qu'on va devenir un petit peu plus sceptique. Ça fait en sorte qu'on va se poser des questions. Faudrait, ouais. Faudrait qu'on se pose des questions dans la vie. Colin, faudrait. Mais la question qu'on se pose surtout, c'est est-ce que les gouvernements devraient les traiter comme des plateformes anonymes ou comme des médias? Je sais pas si le gouvernement devrait gérer les réseaux sociaux, à mon avis. Exactement. Est-ce qu'on a des responsabilités avec tout ce qui est sur Internet en tant que gouvernement? La responsabilité est à la population, à mon avis. Oui, mais l'algorithme est fait quand même par Internet. Et c'est ça sûr. Parle de oui. choses gouvernementales. Oui, mais en même temps, ça n'a pas juste existé. Hein. Exactement, je suis d'accord avec toi. Ouais. Donc, c'est des compagnies qui sont quand même assez puissantes. On est fournisseurs d'informations. On fournit ça au monde. On n'a jamais connu personne, par exemple, quand on est fournisseur d'informations. Mmh. On n'a pas un lien face à face avec les personnes qui sont devant nous, mais on refuse de reconnaître les responsabilités pour le rôle actif, justement, dans l'affaiblissement de la qualité d'information qu'on donne au public. Justement, avant, Facebook avait des humains pour déterminer les nouvelles qui étaient tendances sur leur page d'accueil. Et maintenant, c'est des algorithmes parce que les humains ont entraîné ces algorithmes-là. Mais je pense que c'est nécessaire d'avoir des humains pour faire de la recherche dans ces trucs-là parce que les algorithmes ne peuvent pas déterminer ce qui est vrai, ce qui est faux. Tout à fait. Mais en fait, présentement, qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est que ces fameux algorithmes-là, c'est un échec. Ouais. Parce que les machines ont fait la preuve qu'elles sont pas de taille avec les fausses nouvelles présentement. Pas de jugement. Et on va devoir retravailler tout ça. Il y a pas de jugement. Il y a aussi pas... on croit qu'il y a une espèce d'algorithme de fact-checking qui a été mis en place, mais non. Ce qu'on se rend compte, c'est que ça devient quand même les top stories de tout ce qu'on devrait pas voir. Parce que les gens les partagent. Et elles sont là. Les gens les partagent. Parce qu'ils pensent, ils aimeraient que ce soit vrai. Donc, en les partageant, ça fait que ça se partage plus à cause de l'algorithme. On se dit que c'est stupide. On va le partager en disant que c'est stupide, mais l'algorithme va pas prendre en considération qu'on dit que c'est stupide. Pas faux, ça. L'algorithme va juste prendre en considération le partage qui a été fait. Ouais. Donc, on se rend compte que, justement, comme tu le disais, l'algorithme a pas de jugement. Non, mais... et l'algorithme, c'est pareil comme liker des pages. Des fois, tu peux liker des pages de choses que t'aimes pas parce que tu veux voir passer des trucs que t'aimes pas. Mais Facebook le sait pas que tu l'aimes ironiquement. Tout à fait. Il y a plein de problèmes avec les algorithmes. Donc, on se dit que... parce que, bon, les algorithmes sont dits parfois, entre guillemets, comme des robots, évidemment. Des ordinateurs, appelons-les comme ça. Eh bien, on va devoir chasser un petit peu ces algorithmes-là dans les prochains temps pour pouvoir justement contrer les fausses nouvelles. Mmh. On va devoir retravailler ces algorithmes-là. Il y a une désinformation qui est virale et selon une étude qui a été faite, on va devoir contrôler les algorithmes. Donc, tout ce qu'on croyait, comme tu le disais tout à l'heure, avant Facebook, il y avait des gens en arrière, bien, ces gens-là vont devoir peut-être retourner en arrière de leur clavier pendant un moment. On va devoir... Ça coûte plus cher pour Facebook, mais ça limite la propagation de fausses nouvelles. Ta responsabilité, comme tu disais, bon, est-ce que Facebook devrait avoir cette responsabilité-là? Je sais pas, mais il pourrait. Bien, tout à l'heure, je vous parlais d'un journaliste canadien qui est spécialisé en fausses nouvelles, Greg Silverman. On s'est imposé dans le milieu journalistique comme justement l'expert des fausses nouvelles. Et c'est un petit peu avec enthousiasme qu'il observe l'alliance que Facebook a fait avec d'autres médias présentement pour justement contrer cette fausse information-là. Et on a annoncé en décembre dernier, disons-le, parce que ça fait quand même un petit bout, 2016. Là, tout à fait, qu'on allait combattre ce fléau-là. Donc, ça fait déjà quasiment un an là, qu'on travaille là-dessus, mais que on semble tout simplement rester en dessous de l'eau, là, on manque d'air un peu. Donc, le point positif, en fait, de l'Alliance, c'est le journalisme canadien ou le journalisme américain ou peu importe, c'est les journalistes qui vont devoir travailler avec ces gens qui s'y connaissent du côté de l'information et de la diffusion d'informations. C'est ça, parce qu'il y a d'autres pays qui s'y connaissent en diffusion d'informations, mais qui sont pas de la vraie nouvelle, comme la Russie. On a entendu récemment qu'il avait acheté de la publicité pour influencer l'élection américaine 2016. Donc, il y avait des memes qui se partageaient sur Facebook, qui étaient super likés puis partagés par tout le monde, mais qui provenaient d'agents russes. Mm-hmm. Donc ça, c'est du fake news. Ben oui, tout à fait. Et on n'a pas de budget présentement pour devoir travailler sur tout ça. Si on avait un budget illimité contre la désinformation, évidemment, ça serait merveilleux du côté des journalistes et du côté du public, tout simplement, parce qu'on se dit que, bon, c'est nous qui allons devenir stupides à un certain moment. C'est ça. C'est l'éducation aux médias qui devrait être intégrée dans le cursus scolaire. Ouais. C'est ce que croit Craig Silverman. Et on doit aussi apprendre aux jeunes comment se construire une information sérieuse. Ça va de pair. Si vous discutez avec un parent là, et vous vous rendez compte que l'information du journal de Montréal sort de sa bouche, d'être celle, par exemple, je sais pas moi, de La Presse ou du Devoir, bien, c'est bien de lui dire, est-ce que tu as vérifié ta source? Non, puis on le voit souvent sur Facebook, des gens de la même famille qui vont répondre à leur tante ou à leur grand-mère ou peu importe, puis c'est pas une vraie nouvelle, puis ils mettent la source. Exactement. Ça commence par ça. Moi, je pense que c'était à encourager ce comportement-là, de le faire publiquement et non pas par message privé, parce que comme ça, ça va le montrer à d'autres qui ont vu la nouvelle, que finalement la nouvelle est fausse. Et moi, je pense qu'on pourrait aussi avoir peut-être moins de médias qui reprennent les nouvelles des autres. Il y a beaucoup de médias que c'est juste de la récupération de nouvelles de d'autres, et peut-être plus travailler sur la révélation que c'est faux, des trucs comme ça, sur le travail d'enquête sur les fausses actualités. Tout à fait. Et on parle du travail de journalisme qui va être important dans les prochains mois, en fait, justement, pour arriver à faire un petit peu de ménage de ce côté-là. Et c'est drôle parce qu'en fait, hier, je suis tombée sur un article qui parlait de journalisme, qui parlait pas nécessairement de fausses nouvelles, mais qui parlait d'intelligence artificielle. Mm-hmm. Et on semble dire, en fait, que l'intelligence artificielle, ça pourrait être une menace existentielle au journalisme, dans le même air que les journalistes sont extrêmement importants pour contrer les fausses informations. Ouais. Donc, on est déjà dans une entrée dans le monde du journalisme du côté de l'intelligence artificielle. On a un développement qui a été fait qui promet de bouleverser le secteur avec des clés d'opportunité incroyables, mais aussi une menace existentielle. En fait, on rappelle que l'étude des organisations utilise déjà l'intelligence artificielle pour écrire des articles. Oui, on a déjà parlé de ça, des articles de sport, entre autres. Exactement. Les résultats sportifs, les informations financières. Donc, selon une étude, le développement des machines va permettre, dans un avenir pas si lointain que ça, sans l'intervention de journalistes humains, de justement générer des articles qui vont se contenter de mettre en forme des données et qui vont dégager une analyse. Mais en même temps, ça peut être une bonne chose si on enlève à ces journalistes-là la tâche d'écrire ces articles-là financiers pour pouvoir peut-être les faire travailler sur les fausses nouvelles. Tout à fait. Donc, ça fait partie des sources qui sont retenues, en fait, par un assistant vocal qui est cité comme tel. On va avoir une influence sur l'éventuelle agrégation de données qui va être restituée. On va travailler là-dessus du côté de l'intelligence artificielle. On va travailler aussi là-dessus du côté de l'algorithme, évidemment, parce que tout ça, ça va se faire veux pas sur ordinateur. Mmh. Alors, est-ce que si on propage un petit peu des fausses nouvelles par rapport au sport, par rapport à des résultats ou quoi que ce soit, est-ce qu'il va pas y avoir justement aussi de ce côté-là, quelque chose à devoir travailler, peut-être, mais clairement, on n'a pas fini avec les fausses nouvelles et on semble dire que les jeunes, ton âge puis mon âge, là, OK, ceux qui sont entre la vingtaine et la trentaine, sont ceux qui se connaissent présentement le plus pour pouvoir contrer une fausse nouvelle. Oui. Bien, c'est de justement utiliser ces jeunes-là pour pouvoir éduquer peut-être un petit peu les plus vieux. Oui. Sans vouloir être méchant. Et les plus jeunes. Et les plus jeunes. C'est vrai. Donc, ça tombe vraiment, oui, dans l'éducation des médias, mais aussi, on doit peut-être se mettre sur le dos de devoir dire à notre famille, mais est-ce que c'est parce que ce que tu postes, là, c'est pas vrai. Il y en a pas mal qui le font. Déjà, je le remarque là, sur Facebook. Là, c'est vraiment une bonne idée. Faisons-le plus souvent d'envoyer des articles qui viennent contrer, là, qui font de la vérification de faits. Exactement. Partageons ça sur Facebook. Puis peut-être que ça va faire monter les algorithmes vers les bonnes nouvelles. Tout à fait. Et dans les prochaines élections, vérifiez ou regardez si ça vous intéresse. Actu futé. Ça va grandement aider lorsque vous allez regarder un débat. Actu futé. Actu futé. Merci, Tania Baudin. Hey, ça fait plaisir. Il aurait dû nous demander à la place de trouver des noms pour leurs affaires. Hein. Ça n'a pas de sens, écoute. Sérieux. Bref, merci. Et on fait Tania Isgola Entertainia tous les matins à Assemblage Rocky. Évidemment, ben, tu l'as dit et tu y as fait allusion tantôt. On n'a pas le choix. On a l'obligation de faire le bloc « Le vrai, le faux » dans quelques instants pour justement faire la vérification des faits. C'est de retour à Assemblage Rocky. Ouh, j'ai hâte. Merci. Aujourd'hui. C'est fou, 89. Assemblage Rocky pour toi aujourd'hui. Toujours dans Assemblage Rocky, l'émission matinale avec Mathieu Plante et Tania Baudin. Ok, oui. Mm-hmm. Dans quelques minutes, on va jouer à le vrai le faux. On se prépare notre système de pointage, que oui. Mais avant ça, on écoute Steven Wilson avec Permanating. Dans la pièce Permanating, Assemblage Rocky sur C'est fou. Et il est 9h35, il reste un petit peu moins d'une demi-heure à l'émission. Mm-hmm. C'est le moment de jouer ensemble le vrai et le faux. Oui, vu à la télévision, un homme de 40 ans aurait trouvé un corbeau blanc sans trop savoir comment annoncer aux informations deux ou trois mots à la radio et sur internet une tempête d'images, un faisceau, le vrai, le faux se touche dans le noir car oui vraiment on ne peut pas tout savoir. Le vrai, le faux, la chronique où on détermine ce qui est vrai, ce qui est faux. En fait, c'est Tania qui essaie de déterminer ça pendant que moi, je lui balance des nouvelles en pleine face. Ouais. Ça pourrait avoir l'air vrai. Par exemple, la première nouvelle, tu l'as peut-être vu passer. En fait, des gens ont partagé ça dans mes connaissances, donc sûrement okay. dans les siennes aussi. La première vapoteuse pour enfants. Ah, non, je enfant de 9 mois ou plus, ça s'appelle My First Vape. Donc, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? On a même la photo, si tu veux voir. De l'emballage avec le petit enfant. My First Vape, ça a fait le tour de Facebook il y a quelques mois de ça. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Pour le besoin que j'ai raison, je vais dire que c'est faux. C'est faux. Yes. Pourquoi le besoin d'avoir raison? Tu voulais dire quoi sinon? Ben non, mais là, j'espère que c'est pas vrai. J'espère que c'est pas vrai. Non, mais pour vrai, tout le monde a partagé ça en août 2017. Donc, une compagnie de jouets pour enfants très populaire qui produisait une version de cigarette électronique qui ciblait les enfants. Ça avait l'air d'être une imitation en plastique, si on veut, de cette cigarette électronique. Le site web pseudonews.co.uk disait qu'il livrait ça, donc que c'était disponible pour les enfants de 9 mois et plus pour qu'ils ne se sentent pas délaissés du monde des vapoteuses que leurs parents utilisent probablement. Mm-hmm. Donc, c'est fait pour attaquer le problème par rapport à la cigarette en Europe. Donc, de commencer dès le plus jeune âge à fumer la cigarette électronique. Tout ça, c'est pas vrai, bien sûr. L'image promotionnelle est un Photoshop d'une personne qui travaille dans une agence publicitaire de New York. Et c'est même un fabricant de memes. Il fait beaucoup de memes sur Internet. C'est Adam Padilla qui a créé ce mime-là. Il l'a même confirmé, il a même fourni des images Photoshop de ses premières créations, donc avec les calques pour pouvoir voir que c'était vraiment lui qui l'avait fait. Donc la seule raison pour laquelle il a fabriqué My First Vape, c'était pour s'amuser lui-même et d'autres. Voilà, et c'est pas lié, dit-il, à aucun produit qui pourrait s'en venir, donc c'était juste pour le fun. C'est lui aussi qui avait fait le Fisher-Price Happy Hour Playset que tu as peut-être vu aussi partagé sur Facebook. C'était donc Fisher-Price qui avait entre guillemets fabriqué un bar pour enfants. Ah non, j'avais mais pas c'était un faux ça aussi en 2016. Ensuite, est-ce que c'est vrai qu'un garçon biracial, comment est-ce qu'on appelle ça? Métis, c'est ça. Merci de me sortir le bon mot. J'imagine. Qui a été poussé en bas d'une table avec une corde autour de son cou. Oh mon Dieu! Un garçon de 8 ans qui s'est fait insulter de tous les noms. Je l'ai vu, celle-là. Ah, tu vois? Tu l'as vu, ça aussi? Ils en ont parlé dans un média qui, selon moi, est une bonne source. Okay. Mais j'ai vraiment eu de la difficulté à savoir à me demander si c'était vrai ou si c'était faux, mais je vais dire que c'est vrai. C'est vrai, en effet. Dans le New Hampshire, donc un garçon de 8 ans, métis, oui, qui a été insulté et ensuite poussé d'une table à pique-nique avec une corde autour du cou, ce qui l'a blessé. Mm-hmm. L'enfant a été traité à l'hôpital pour des lacérations à son cou après s'être presque fait pendre le 28 août dernier à Claremont, dans le New Hampshire. La grand-mère du garçon, Laurie Slattery, a dit au Valley News qu'il a depuis été... qu'il a reçu son congé de l'hôpital et qu'il est retourné à l'école. Donc, ils étaient dans la cour arrière quand les enfants ont monté sur la table et ont pris une corde qui tenait un pneu. Et bref, on sait pas comment ça a fini par être autour du cou du garçon, mais on l'a poussé en bas de la table. Aucun adulte aurait été témoin de cet incident-là, donc tout ça est absolument vrai. Ensuite, est-ce qu'il y a un gène, une mutation qu'on appelle Alexandria's Genesis qui fait que les gens deviennent des êtres humains parfaits avec des yeux mauves 6 mois après la naissance? Hein, c'est faux ça. On a les yeux mauves ici sur l'article. Si oh tu mon Dieu, voir. Ça a tellement l'air photoshopé, c'est faux. Ça a l'air photoshopé, c'est en effet faux. Yes. T'as vraiment beaucoup de talent aujourd'hui. Donc, il y a des rumeurs sur l'existence d'une mutation génétique rare connue sous le nom de Alexandria's Genesis circule sur Internet depuis au moins 2005. Donc, on dit que c'est une mutation qui fait que les gens deviennent parfaits, une condition marquée donc par les yeux mauves, une peau extrêmement pâle, des cheveux brun foncé, pas de poils sur le corps et aucun cycle menstruel, un bon système immunitaire. Oh mon Dieu, chanceuse! Ouais, corps bien proportionné, ils ne prennent jamais de poids et la capacité d'avoir l'air de 5 à 10 ans plus jeune que leur vrai âge. et de vivre environ 150 ans. Donc tout ça, bien sûr, est complètement faux. Ça n'a pas eu lieu pour la première fois à Londres en 1329 non plus. En fait, c'est de la fiction. C'est de la fiction qui a été créée, en fait, nous dit-on, sur le site. En fait, c'est une fanfiction de l'émission Daria, okay. Le dessin animé, qui a été écrit donc par Cameron Obernan en 1998. Et puis, ça s'est partagé sur Tumblr. Cool! Ça, c'est parti vraiment du dessin animé Daria. Ouais. Ensuite, est-ce que c'est vrai qu'une femme est morte dans un cinéma en regardant le remake de It? Donc ça, le film qui est sorti récemment, septembre 2017. Elle serait morte dans le cinéma après avoir regardé le film Ça en septembre 2017. À ne pas confondre avec le film Saw à décadence, S-A-W. On parle c'est de sorti en septembre, It? Probablement pas, en mais anglais. Elle l'a vu. Ouais, c'est ça, mais okay. Elle l'a vu en septembre 2017 où ça s'est passé la nouvelle en septembre 2017. OK. Puis j'imagine qu'elle serait morte d'une crise cardiaque? Elle serait morte, un petit peu, oui, exactement, crise cardiaque. Quel âge? À l'âge de 41 ans, veux-tu savoir où ça se passe? Ouais, vas-y donc. Ça se passe à Syracuse. Dans l'état de New York, en partie. C'est quoi pour la possibilité de la chose? Je vais dire que c'est vrai, mais pour cette nouvelle-là, je suis pas certaine. Faut que tu choisisses ton bar, là, quand même. Hein? On est en 2017, là. Tout le monde a un bar à choisir. Hein? Non, moi, j'ai une petite tasse dans le milieu. Zone grise, tu gagneras pas de points avec une zone grise. C'est ça, hein? Exactement. pour celle-là, je vais dire que c'est faux. C'est faux, en effet. Il n'y a pas une femme qui est morte en regardant le film Ça à Syracuse, New York. Ou sinon, des fois, il y a des versions de la nouvelle qui disaient Monroe en Louisiane ou Paducah dans le Kentucky, dépendant du site de fausses nouvelles où vous êtes allé le voir. Donc, on disait une femme de 41 ans qui était morte en regardant le nouveau film de Stephen King, que ça aurait lié au Regal Cinemas à Syracuse, New York. Donc, elle essayait donc de voir le film avec ses amis. C'est plein de douleurs à la poitrine, de difficultés à respirer pendant une des scènes les plus épeurantes du film. Selon les témoins, la femme aurait laissé sortir un gros cri et serait ensuite tombée sur son siège. Mais non. C'est le site sundaypost.org qui a publié au moins trois versions de cette fausse nouvelle. Et c'est complètement une... Ben, c'est ça, une fausse nouvelle. Rien à dire de plus. Mais, tu sais, la possibilité que ça arrive, c'est vrai, tu fais le saut, tu peux faire une crise cardiaque. Là. Ça se pourrait, mais c'est pas arrivé encore. Hein? Bon. Le site se décrit lui-même comme un site de satire. Ensuite, est-ce que c'est vrai qu'on a vu trois requins qui ont été filmés dans les eaux de Miami après l'ouragan Irma? Donc, une vidéo qui montre des requins qui nagent à Miami. Je te montre même la photo si vous voulez aller voir sur assemblagerequis.com. Donc, on voit les requins dans les rues de Miami. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Après la grosse tempête. L'ouragan Irma. Ouh, et difficile, hein? C'est faux. C'est faux, en effet. T'es rendu à combien de points, toi, là, ça va bien? 5. 5 points. Donc, en septembre 2017, une vidéo montrant donc des requins qui passaient à travers les rues, bien sûr, inondées. Les commentaires sur Internet pointaient quelques aspects un petit peu flous ou louches. Par exemple, on remarque que les requins ne changent jamais de direction, apparemment. Une image, donc, d'un... en fait, on dit que... Attends un petit peu, est-ce que ça dit... C'est une vidéo qui a été postée sur YouTube par Viral Video Lab qui montre pas mal que c'est moins qu'authentique. Et ça, faut être sceptique dans la vie. Hein? Oui, oui, je suis d'accord. Ouais. Faux vidéo. Soyons sceptiques. Ouais. C'est pas les premiers à utiliser. En fait, on utilise un produit qui est vendu sur Amazon, l'aileron du requin. Il y en a qui sont vendus sur Internet pour faire peur au monde, pour aller dans la piscine avec ça. Donc, c'est ce qu'on a utilisé pour faire cette vidéo-là, apparemment. Voilà. Une vidéo similaire qui était sortie en octobre 2015 après l'ouragan Joaquin. Ensuite... est-ce que c'est vrai? T'as sûrement vu passer ça à travers ta vie sur Internet, Tania Bonin. Peut-être. La publicité de voitures qui montre à la fin. Est-ce que t'as déjà vu? C'est des collines vertes, une voiture qui passe et à la fin. Les pubs de voitures, c'est tout ça, ils passent devant des collines vertes. À la fin, t'as genre une figure vraiment déplaisante qui saute à l'écran pour te faire peur. Non, j'ai pas vu ça. T'as pas vu ça? Non. Donc, c'est une publicité à la télé qui aurait choqué les Européens avec une fin surprise en 2005. Est-ce que c'est une vraie publicité qui a été diffusée, premièrement? Non. Attends, ça dépend, c'est pourquoi? C'est une publicité... attends un petit peu. À quelle fin? C'est une publicité de... oui, de boissons énergisantes. Hey boy! OK. Ouais. Puis c'est quoi le message dans la publicité? De « T'as jamais été aussi éveillé ». Oh boy. Hey, celle-là, je sais pas, parce que c'est du côté européen, je l'ai jamais vue. Là, tu me parles de monstres. Donc, ça a l'air d'être une publicité de voiture et à la fin, t'as un monstre qui te saute d'en face à la télé. Puis c'est une pub. Une pub. De boisson énergente. C'est ça. Puis ça dit « T'as jamais été aussi éveillé ». C'est exact. Je veux dire que c'est faux. C'est vrai. Oh non! Oui, ça s'appelle Kefi. C'est le nom de la boisson. Donc, leur slogan en allemand peut être traduit en anglais sous « You have never been so awake ». Donc, en français, « T'as jamais été aussi éveillé ». Le slogan et le concept ont été utilisés dans une série de publicités télé, internet et radio par une firme de marketing qui s'appelle Jung von Matt pour Kefi en 2004. C'est à Hambourg. Donc, il montre une espèce de saut à la fin. Il y a 9 publicités qui peuvent être vues en ligne si vous allez sur assemblagerequis.com dans l'article. L'article dit que, vous allez voir l'icône en haut de l'article, ça dit que c'est faux parce que dans le fond, l'article parlait d'un truc surnaturel qui avait été créé autour de ça. Ça, c'était l'aspect faux, mais la publicité en tant que telle est vraiment vraie. Une campagne qui a été vraiment un énorme succès. On a produit plusieurs autres versions, disant entre autres, maintenant avec moins de caféine. Oh, wow. Donc oui, une vraie publicité de Kefi. Ensuite de ça, est-ce que c'est vrai qu'il y a une scène du dessin animé, la version plus moderne de Maya l'abeille, qui a une image phallique? L'émission pour enfants, une scène qui montre un dessin risqué. J'ai vu passer ça. À l'intérieur d'une c'était bûche. C'était-tu Maya l'abeille? C'était un membre masculin, c'est ça, hein? Oui. À l'intérieur d'une bûche. Écoute, depuis la nuit des temps, les émissions pour enfants ont des choses comme ça. Fait que je vois pas pourquoi ça serait pas. On l'a souvent vu chez Disney, entre autres. On a parlé dans une récente chronique de Le vrai le faux que ça, c'était vrai. Mais dans ce cas-ci de Maya l'abeille, est-ce que c'est vrai le phallus dessiné dans une bûche? Mais je vais t'avouer que lorsque j'ai vu la photo, j'ai jamais trouvé. Je vais te remontrer la photo si tu la veux, tiens. Assemblagerequis.com pour les supports visuels. Oui. C'est très, très loin, là. Oui, quand même. Faut vraiment que tu zoomes. Oui. Fait qu'il y aurait quelqu'un qui aurait vu ça à TV. Quelqu'un qui aurait vu ça à TV. Je veux dire que c'est faux. C'est vrai! Oh! Enlève-toi un point, Tania! Misère. Enlève-toi un point. En septembre 2017, donc, une vidéo a circulé sur Facebook disant montrer une scène de l'émission Maya l'abeille, la version plus récente, avec un dessin de pipi qu'on pouvait voir brièvement à l'intérieur d'une bûche. Le clip est de l'épisode 35 de la première saison de l'émission. Le dessin est vers les 5 minutes 30, voilà, lorsqu'on le regarde en vidéo sur Netflix, en streaming. Vous pouvez voir le dessin au complet sur assemblagerequis.com. Ils ont contacté chez Snopes.com, nos amis de chez Snopes, ont contacté Studio 100 Animation, la compagnie derrière Maya l'abeille, pour avoir des commentaires. C'est pas la première fois qu'on a une image obscène dans des films pour enfants, entre autres l'image topless dans The Rescuers, dont on a parlé il y a quelques semaines. Par contre, ici, ben c'est ça, c'est vrai. C'est vrai, ça aussi. En fait, les deux sont vrais. Donc, d'accord. Voilà. On n'a pas eu de commentaires de la part de Studio 100. Par contre, ils disent les avoir contactés, mais on n'a pas eu de retour là-dessus encore. Est-ce que c'est vrai que la NASA a dû réétiqueter les grandeurs d'un appareil pour uriner? Ça ressemble un petit peu à un condom pour uriner. Ils ont dû changer les grandeurs qui étaient utilisées dans les habits pour aller dans l'espace parce que les astronautes refusaient de porter le format petit de cet appareil-là pour faire pipi. Est-ce que c'est vrai que la NASA a dû changer les grandeurs? Pff, écoute. Hein? De la misère à réfléchir. J'ai réfléchi, là. Les deux que je viens de manquer m'ont toutes mêlées. je vais y aller avec c'est vrai. Je vais te dire que c'est un mélange entre vrai et faux. On va lire la nouvelle et après ça, on va déterminer qu'est-ce que tu as le droit d'avoir comme point. Donc, la NASA qui aurait dû donc changer les grandeurs de son Maximum Absorbency Garment, son système pour uriner, parce que les astronautes refusaient de choisir la grandeur petite. Donc, on nous dit ici que la rumeur vient de l'épisode Space Suit de Moon Machines, une émission documentaire du Science Channel en 2008 qui parlait de défis d'ingénierie par rapport au programme spatial d'Apollo. Donald Rethke, qui s'est mérité le surnom de Dr. Flush pour son travail sur la gestion des déchets humains en gravité zéro, a dit en entrevue pour le documentaire que les grosseurs donc de condons urinaires attachés au Maximum Absorbency Garment, donc le sous-vêtement spatial, qu'ils avaient dû être changés parce que personne ne choisissait la grandeur petit. Cette anecdote-là a un élément de vérité, nous dit Dr. Flush. Par contre, apparemment que Dr. Flush aurait un petit peu embelli l'histoire. L'astronaute d'Apollo 11, Michael Collins, a raconté une histoire similaire en 2009 dans son livre Carrying the Fire, an Astronaut's Journey. Mais Collins disait donc que les grandeurs avaient été changées pour extra large, immense et incroyablement large. Et on suggère que ces termes-là étaient des références informelles et non pas des désignations officielles. Donc, on est en désaccord avec Dr. Flush sur comment on appelait ces grandeurs-là. Mais bon, donc c'est ça. On a différents témoignages et c'est très improbable que ce changement-là ait été fait au niveau de la NASA officiellement. C'est de l'humour de toilette chez les astronautes, comme on dit. Donc, en tant que tel, je dirais que c'est pas mal faux avec un grain de vérité. Tu peux te mettre 0.5, je pense. Ah, tu peux mettre 0.5. Merci. Ça fait plaisir, j'essaie de t'aider un petit peu quand même. Est-ce que c'est vrai qu'il faut éviter certaines chenilles noires et blanches parce qu'elles sont empoisonnées? Elles peuvent causer des réactions allergiques sévères chez les gens qui ne font même que leur toucher à ces chenilles noires et blanches. Je te montre une photo, super visuelle, assemblagerequis.com. OK. La chenille blanche et noire qu'il ne faudrait pas y toucher parce qu'elle est mortelle. Empoisonnée, mortelle, exactement. Ben, en fait, pour mortel, on dit où? Comme n'importe où dans le monde? Ou On dit en Nouvelle-Écosse, Ontario et dans le nord-est et le sud central des États-Unis. J'ai dit tantôt mortel, là, c'est réaction allergique sévère. OK. Puis ton article vient d'où? Ça vient de... Attends un petit peu. Je cherche ma source. Je tiens à dire aux auditeurs que c'est très difficile parce que j'ai pas la source de chaque article. C'est rightdiagnosis.com. Je veux dire que c'est faux. C'est vrai. Oh, misère! En août 2011, on a commencé à passer l'avertissement en ligne. On parle d'un insecte qui s'appelle le White Hickory Tussock Moth Caterpillar. C'est natif donc du Canada, Nouvelle-Écosse, à l'Ontario, et puis aux États-Unis, comme je l'ai dit, dans le nord-est et le sud central du pays. Donc, cette chenille apparaît entre juin et septembre et puis se cache dans les feuilles de certains arbres. Ils aiment quelques sortes d'arbres. Ils sont sur l'article si vous voulez aller voir lesquels. On dit que ça cause pas vraiment de dommages aux arbres en tant que tels. Ils excrètent un certain type de défense chimique au contact. C'est plus allergène que empoisonné, que poison. La plupart des gens qui vont toucher à ces insectes-là, ces bestioles-là, vont vivre donc des sensations de brûlure. Ça va leur picoter un petit peu. Ça va être de moyen à... en fait, on dit de modéré. Ouais, de léger à modéré, voilà. Il faut laver l'endroit affecté avec du savon et de l'eau. Ensuite, une lotion calamine ou peu importe. Et puis de la glace pour calmer les choses. Certains gens sont hyper sensibles à ce poison-là. Ils vont avoir une réaction allergique. Ces personnes-là ont tendance à avoir des symptômes plus sévères, des ballonnements, de la nausée. On devrait chercher l'aide d'un médecin le plus rapidement possible. Donc, c'est tout à fait vrai. Ensuite, est-ce que c'est vrai que le pape est allé voir un psychoanalyste il y a quelques années pour chercher un petit peu de clarté dans sa vie? Psychoanalyste. OK, ça c'est faux. Une femme juive pour aller se faire éclairer un petit peu. Tu dis que c'est faux? C'est vrai. Hein? Il dit que quand il avait 42... quand il avait 42 ans, il avait des sessions hebdomadaires avec une psychoanalyste, une femme juive, pour clarifier certaines choses. Ça n'a pas été spécifié qu'est-ce qu'il voulait explorer, là, mais la révélation est arrivée dans une douzaine de conversations que le pape François en français, a eu avec un sociologue français, Dominique Walton, qui était en train d'écrire un livre. La Stampa, qui est un journal italien, cite certaines de ces conversations-là quand même en disant qu'un jour quand il était c'était pour avoir un dialogue spirituel, voilà. Il dit que pendant 6 mois il l'a vu et ça l'a aidé quand même pas mal. Ensuite, est-ce que c'est vrai qu'une enseignante en Floride a été suspendue après avoir donné un petit cours d'éducation sexuelle louche? On dit qu'elle aurait donné des leçons d'éducation sexuelle explicite avec un strap-on. Attends, répète-moi avec ça. Avec un strap-on. Répète-moi le titre au complet. Oui, je te répète ça. Donc, c'est une enseignante de la Floride qui aurait donné à des élèves de 6e année des leçons d'éducation sexuelle explicite avec un strap-on, donc un objet sexuel. Rendu là, hein? C'est vrai. C'est faux! Ah! Oh! 15 septembre 2014, le site InfoWars a publié un article qui parlait donc d'un incident à Jacksonville, en Floride. Selon ce site, qui est très, très orienté sur les complots, les conspirations, on disait donc qu'une enseignante de 39 ans a été suspendue pour avoir donné cette leçon explicite à des élèves de 6e année. Entre autres, comment utiliser un strap-on dildo. L'article allait dans les détails et décrivait un scénario qui aurait rendu pas mal n'importe quel parent de l'enfant de 11-12 ans assez inconfortable. Vous pouvez voir des photos sur assemblagehockey.com si vous allez voir les photos de cette éducatrice. Donc les photographies, en fait, ne sont pas des photos d'une enseignante nommée Sharon Mercer, mais plutôt des photos de Carlisle Jensen, fondatrice et propriétaire de Good For Her, qui est un magasin sexuel orienté vers les femmes, très très progressif à Toronto en Ontario, qui avait été invitée pour parler de santé sexuelle dans des écoles secondaires de Toronto. Mais Madame Jensen dit en fait qu'elle enseigne l'éducation sexuelle pour des adultes aussi, et que les photographies montrées étaient en fait au niveau universitaire et non pas de 6e année. Donc tout ça a été comme un petit peu mélangé par nos amis chez InfoWars, qui sont très bons dans la propagande. Et pour terminer, oui, on va parler d'écran solaire. Est-ce que c'est vrai que les gens ont mis de l'écran solaire sur leurs yeux pendant l'éclipse solaire qui avait lieu au mois d'août, je crois? Ça fait le tour d'Internet. Tu veux dire qu'il y en a qui ont fait ça? Qu'il y en a qui ont fait ça. Pendant l'éclipse solaire de août 2017, oui, donc des gens de la Californie qui ont mis l'écran solaire sur leurs yeux pour essayer de se protéger. Sur leurs yeux ou sur leurs paupières? On parle de sur leurs yeux comme dans genre l'œil, là, la sphère. Ben, c'est faux. En fait, il n'y a aucune preuve, donc je peux pas vraiment te... On va dire faux, oui. Il n'y a pas de preuve que ça a vraiment eu lieu. C'est des articles un petit peu partout qui sont sortis le 21 août dernier. Plusieurs organisations de nouvelles nationales et internationales qui ont dit qu'il y avait des gens qui avaient appliqué de l'écran solaire sur leurs yeux. Par exemple, Fox News en a parlé. Forbes Magazine a écrit que pour l'éclipse, certains avaient mis de l'écran solaire sur leurs yeux. Au Royaume-Uni, le Independent avait écrit ça. On n'a absolument aucune preuve. On a essayé de contacter les sources pour avoir plus d'informations. On dit que c'est possible, mais que c'est probablement un problème de communication, en fait. Soit une blague qui a été mal comprise ou de l'ironie qui n'a pas été détectée entre Patterson et le journaliste de chez KRCR. Donc apparemment que ça a fait un petit peu le téléphone arabe, comme on dit. Ça se serait mal transmis. Apparemment qu'il n'y aurait rien de vrai là-dedans. Aucune preuve. Aucune preuve et aucune façon de trouver les sources qui auraient vraiment mis de l'écran solaire sur leurs yeux. Wow. Donc t'es rendu à combien de points, Tania? 1.5. 1.5. Sur combien de nouvelles? Sur 12. Sur 12 nouvelles, wow! J'ai perdu tous les points que j'avais. La semaine passée, ça avait mal été aussi, il me semble. Non, c'est quoi? Ouais. Ouais, je pense que ça fait deux semaines. Mais ça va pas bien, là, parce que je ne connais point la source de tes nouvelles. OK, mais demande-moi-là, je vais te les trouver, les c'est sources. Bon. Parce que je les ai tout le temps plus tard dans l'article. OK. Donc, demande-moi-là la prochaine fois si ça peut t'aider. Ben, c'est sûr que ça va m'aider, je pense. Voilà pour le vrai, le faux, les liens sont sur assemblagerequis.com. Nous, ça va être la fin d'Assemblage Requis pour aujourd'hui. Merci à Dominique Mamungu qui est venu nous faire sa chronique Voix d'Afrique. Merci aussi à Marc-Olivier Dumas pour Sport et Filoché. Tout à fait. Merci Tania Baudin. Merci à toi, Mathieu Plante. Demain, l'émission, on va être mercredi. Oui, le temps passe vraiment vite, hein, la semaine avance. C'est comme ça. À vue d'œil, on peut même pas croire ça. Merci l'Action Grâce. Merci l'Action Grâce. Donc, demain, mercredi, à l'émission, on devrait avoir Sébastien Vigartin en début d'émission. Nouvelle case horaire pour lui à 7h. Ensuite, à 7h30, Alicia Lemieux, sa chronique environnementale, la tendance éco-responsable. À 8h, la chronique musicale Nightlife de Alex Marchand. À 8h30, David Ferron et la chronique Zone Campus. Et à 9h, on parle d'improvisation avec Gabriel Béhout. Donc c'est le contraire, pas le contraire, mais je dirais que c'est l'émission la plus remplie de la semaine. Tout à fait. C'est demain entre 7h et 10h sur nos ondes aujourd'hui au merveilleux C'est fou 89.1 FM. À midi, on va être de retour. Toi et moi, t'as pas de cours aujourd'hui. Non, en effet, mais faut que j'aille étudier. Ouais, non. Mais je vais être là pareil. On va être là quand même pour faire l'émission, l'édition Nouvelles Entrées. En fait, on ne fera pas l'émission Mishmash cette semaine, seulement 3 émissions. Ensuite, à 13h, Rock de Neuron, on rappelle. À 15h, la nouvelle émission C'est dans ta face. À 16h, une autre nouvelle émission, Les Pas Sortables. Puis à 19h, réanimation avec du métal et de l'horreur. Belle journée sur nos ondes et à demain, 7h. Bye. Bye. Bon café! Ok, oui, bon café.